C'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. Le président s'est prononcé pour un isolement contraint des malades du Covid. Contraint, on l'écoute. Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. On peut imaginer que chaque individu accepte, volontairement ou sans le savoir, une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Tout d'un coup, on veut republier les textes antisémites de Céline. C'est un scandale. On est là encore. Alors qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez nous tuer? Bah, dites-le plutôt clairement. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 6, épisode numéro 5, émission spéciale avec un invité exceptionnel. Vous allez l'entendre tout de suite, dans un instant. Mais avant, je procède au rappel traditionnel de notre émission. Vous pouvez nous contacter à notre adresse email démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com, je répète. Démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Je vous invite aussi à participer au forum Europe Écologie Les Brins, eelb.su, pour commenter les articles qui sont publiés sur le site, pour partager des informations, discuter de différents sujets. C'est sur ce forum que ça se passe. Ensuite, comme réseau social alternatif, où on peut encore s'exprimer relativement librement, je recommande bien sûr gab.com. Bien évidemment, on pourra toujours critiquer pour tel ou tel point, mais enfin, c'est la seule option que nous avons aujourd'hui et qui permette de s'exprimer, ce qui aujourd'hui est devenu un luxe. Alors, avant de remercier nos donateurs, je vais présenter les membres de cette semaine. Je vais commencer bien sûr avec les membres réguliers. Alors, on va commencer avec Mickaël. Merci de nous avoir rejoints, Mickaël. J'espère que tu vas bien. Bonjour Gandalf, je vais bien. J'espère que tous les membres de l'équipe et que tous nos auditeurs se portent bien. Et c'est un plaisir d'être avec vous pour cette émission. Tout à fait, pareillement. Est avec nous aussi cette semaine, comme toutes les semaines, Fulbert. Salut Fulbert. Bonjour Gandalf et bonjour à tous. Diabolix nous fait aussi le grand plaisir d'être avec nous cette semaine. Salut Diabolix, j'espère que tu vas bien. Bonjour à tous, je vais très bien. Alexis est avec nous aussi cette semaine. Salut Alex. Salut Gandalf, salut tout le monde. Merlin aussi nous fait le plaisir d'être avec nous. Salut Merlin. Salut à tous, j'espère que ça va. Moi, ça roule. Formidable. Pierrot est aussi avec nous cette semaine. Salut Pierrot. Bonjour Gandalf, bonjour à tous. Porovitch est aussi avec nous. Salut Poro. Salut Gandalf, salut tout le monde et puis bonjour, bonjour à notre invité. Oui, alors on termine par notre invité de marque, Vincent Renoir, qu'on ne doit pas présenter à beaucoup de nos auditeurs mais que certains peut-être connaissent encore assez peu, trop peu. Comment vas-tu Vincent? Eh bien, bonjour à toutes et à tous. D'abord, je remercie Démocratie Participative pour cette invitation qui m'honore. Je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui. Moi, ça va très bien et j'espère que l'émission se passera bien et qu'elle sera profitable à tout le monde. Et encore une fois, merci beaucoup à Gandalf et à Démocratie Participative et bonjour à tout le monde. Alors, avant d'entamer le vif du sujet, d'entrer dans le vif du sujet, pardonnez-moi, je vais remercier les donateurs. Alors, sans lesquels, on ne pourrait pas, bien sûr, faire tout ce qu'on peut faire actuellement. Vous pouvez nous soutenir financièrement par des dons exclusivement en crypto-monnaie, plus spécifiquement Monero, crypto-monnaie qui garantit l'anonymat de celui qui fait un don, comme l'anonymat de celui qui le reçoit, ainsi que le montant par ces temps de surveillance généralisée, c'est plus qu'appréciable. Dont numéro un, c'est un mécène de l'émission, c'est Mélas Autocrator, on le cite souvent, tous les mois il nous soutient. Il nous fait un don mensuel de 0,25 monero. Merci à toi, Mélas. Enfin, Anto, qui se reconnaîtra, nous envoie 0,58 monero. Il nous dit ceci, pour faire chier les juifs, voici ma modeste contribution. Merci de me confirmer votre réception, s'il vous plaît. Ça sera fait, bien sûr, Anto. Tu te reconnaîtras, bien sûr. Alors, commençons cette émission. Je suis très heureux, très honoré aussi d'accueillir Vincent, comme je l'ai dit. C'est un militant exemplaire. Il va nous parler de son engagement. On va parler de beaucoup de choses ensemble. Et comme vous le savez, nous avons sollicité nos auditeurs pour qu'ils posent des questions directement à Vincent via le forum elb.su. On voulait rendre cette émission participative. On voulait qu'il y ait, disons, une interaction assez large avec nos auditeurs. Et l'appel a été entendu. On a reçu beaucoup de questions. Évidemment, et nos auditeurs le comprendront, on ne peut pas toutes les poser parce que, en fait, il y en a au total, il y en a plusieurs centaines, donc c'est pas possible. Donc, il a fallu faire un tri. Donc, je m'excuse auprès de ceux dont les questions n'auront pas été lues, mais pour des raisons de faisabilité de temps, ce n'était pas possible de toutes les lire. Alors, on passera en revue toutes ces questions dans une deuxième partie d'émission. Mais une question m'a semblé pertinente pour entrer en matière. C'est la question d'Assoura, qui pose cette question à Vincent. Il va pouvoir nous répondre. À quel âge, Vincent, avez-vous commencé à développer vos idées et quel est votre cheminement idéologique? Alors, Vincent, comment tout a commencé? Eh bien, à vrai dire, c'est assez compliqué pour moi de le dire parce que j'ai pas pris de notes dans ma vie ni rien. Tout ce que je sais, c'est que donc je suis né dans une famille qui était assez riche puisque mon père était médecin de campagne. Il était maire de son village. Donc j'ai eu une jeunesse très très dorée d'ailleurs. L'argent était très présent à la maison. Mais moi, très rapidement, mon père étant médecin, il me parlait de la pauvreté de ses clients, et enfin de ses patients, mais c'est une clientèle, on disait. Et je voyais aussi à l'école de mon village des gens qui étaient très pauvres, et rapidement, moi, ça m'a un peu frappé, et ça m'a un peu... j'ai été un peu peiné par cette société qui, malgré toute sa richesse, ne fonctionnait pas. Et c'est à l'adolescence que... Ben, j'ai vraiment pris conscience de ce qu'était cette pauvreté ambiante, toutes ces choses-là. Et donc, on habitait un village où il y avait absolument le seul immigré, c'était un Portugais qui était là, enfin, c'était une famille qui était là depuis deux ou trois générations. C'était les vendeurs de pierres tombales, d'ailleurs, du village. Mais donc, il n'y avait pas d'immigration, il n'y avait aucun problème de ce genre-là. Moi, je ne connaissais pas tout ça. Mais c'est en feuilletant des encyclopédies qu'il y avait chez moi que, quand je voyais l'Allemagne des années 30, je voyais des gens, je voyais une société qui avait l'air d'être en ordre, des gens heureux. Alors, naturellement, il y avait les commentaires qui étaient contre, mais je regardais que les photos, moi. Et c'est comme ça que, petit à petit, j'ai été un peu attiré par le national-socialisme. C'était au départ un simple attrait comme ça. Et puis, plus les années ont passé, plus je me suis senti proche du national-socialisme. Et quand j'étais en première, je me suis acheté Mein Kampf. Voilà. Et j'ai lu Mein Kampf. Bon. Et c'est quand j'ai lu cet ouvrage... Et c'est notamment le passage où Hitler dit que, eh bien, c'est le dévouement pour le bien commun qui est très important pour qu'une civilisation perdure. Et c'est en lisant vraiment ce passage que j'ai dit, mais il a raison, alors que dans notre société, c'est une société très, très individuelle. C'est une société de l'égoïsme généralisé. Donc, je suis devenu vraiment national-socialiste vers l'âge de 15-16 ans. Voilà. Alors naturellement, quand j'en parlais autour de moi, et notamment aux adultes, je disais, mais enfin, c'est quand même extraordinaire, regardez cette réussite sociale, tout cela. Et on me répondait toujours, ah oui, mais bon, on sait où ça a mené. C'était la grande phrase. Et c'est pour ça que pendant des années, alors j'ai eu une situation assez délicate, parce que comme j'habitais un village, et puis à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Pendant des années, j'ai cru que j'étais le dernier national-socialiste. Mais j'en tirais pas gloire. C'était pour moi une angoisse. Je me disais, mais je suis le seul à avoir compris. C'est horrible. Donc j'étais dans ma chambre, je me faisais mes petits drapeaux à croix gammée. Et puis, je disais, ben voilà, toute ma vie, je serai seul. Alors ça a été assez dur. Bon, mais quand même, parallèlement, il y a eu l'ascension. Enfin, il y a eu l'arrivée de Jean-Marie Le Pen à partir de 84, justement. C'est à peu près la même époque pour moi. Il y a eu la percée de Dreux, toutes ces choses-là. Donc j'ai bien compris que non, il y avait tout un courant. Et je dirais que, mais pendant des années quand même, j'étais un peu gêné par cet argument. On sait où ça a mené, etc. Donc j'étais un peu en retrait. Et c'est jusqu'au jour où j'étais en maths sup à Paris, au lycée Saint-Louis, et je fréquentais la librairie française, où j'allais trouver des livres sur... je cherchais surtout des livres sur la troisième voie économique. Et le directeur de la librairie française avait appris un peu à me connaître, il savait que je faisais des études de sciences, et un jour il m'a dit, tiens, mais vous devriez lire... les annales d'histoire révisionniste, il y a un rapport, il parlait du rapport Leuchter. Moi, à l'époque, je croyais fermement aux chambres à gaz. Et je me rappelle, au moment de l'affaire du détail de Jean-Marie Le Pen, j'avais vraiment dit, mais Jean-Marie Le Pen, franchement, quelle sottise d'aller dire que c'est un détail. Oh là là. J'étais très contre. Enfin, j'y croyais comme tout le monde. Je suis un passionné aussi par l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Je me pose un certain nombre de questions. Et je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Je n'ai pas pu moi-même en voir, je n'ai pas étudié spécialement la question, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Mais vous mettez en doute... C'est un point de détail. Non, mais est-ce que 6 millions de morts. Est-ce que vous affirmez... Non, pardon. Je n'ai pas compris, mais... Non, mais 6 millions de morts, comment c'est... Juifs. Oui. Dans la Seconde Guerre mondiale, vous considérez que c'est un point de détail? Non, c'est la question qui a été posée, c'est de savoir comment ces gens ont été tués ou non, n'est-ce pas? Oui, ce n'est pas un point de détail, quand même. Si, c'est un point de détail, je veux dire de la guerre, oui. Enfin, écoutez, est-ce que c'est... Voulez-vous me dire que c'est une vérité révélée à laquelle tout le monde doit croire? C'est une obligation morale. Je dis qu'il y a des historiens qui débattent de ces questions. Il y a une immense majorité d'historiens qui l'ont dit et prouvé, et absolument. Quelques autres qui... Non, mais vous-même, M. Le Pen, absolument. Est-ce que vous considérez qu'il y a eu un génocide juif Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de centaines de milliers, peut-être des millions de morts juifs, et aussi de gens qui n'étaient pas juifs. Et quand il m'a proposé le rapport Leuchter... Je voyais sur cette étagère depuis des semaines ou des mois où je venais ces analyses de révisionnisme, mais bon, je me disais, tout ça, c'est un peu de la fadaise. Et donc, j'ai lu, et je l'ai acheté quand même, et le soir, dans ma chambre d'internat, je l'ai lu. Et ça a été une révélation. Non pas d'ailleurs pour la teneur du rapport, mais le fait surtout que je me disais, mais alors, il n'y a jamais eu de rapport, il n'y a jamais eu d'expertise, c'est les premiers à le faire, c'est incroyable. Et alors, ça m'a tellement choqué, cette affaire, que j'ai acheté les 4 premiers numéros des annales d'histoire révisionniste. Et ce qui m'a convaincu, surtout, outre l'argumentation, c'était... Ce qui m'a ouvert les yeux, c'était le traitement subi par les révisionnistes. Et là, j'ai dit, oula, c'est pas clair, ça. C'est pas clair. Il doit y avoir Anguille Souroche, quand même. Donc ça, c'était, je vous dis, en 88. C'était en 88, donc j'avais 19 ans. Donc j'ai compris, puisque je me suis dit, mais alors si ça vraiment ça n'a pas existé, l'argument du « on sait où ça a mené », ça tombe. C'est extraordinaire, c'était vraiment trop beau pour moi. Alors je ne me suis pas emballé quand même. Hein. Bon, j'ai étudié la question révisionniste avant vraiment de bien voir. Et une fois que j'ai eu compris, eh bien, je me suis engagé, puisqu'en 89, je crois que c'était en 89, oui, 89, j'ai fondé l'Association Normande pour l'éveil du citoyen, l'ANEC. Et on voulait distribuer des tracts. On avait d'ailleurs fait un tract à l'époque à la machine à écrire, qui parlait du rapport Lechter. On avait fait un autre tract qui s'appelait Testez-vous. Donc, j'ai retrouvé un exemplaire il y a un ou deux ans. Le seul exemplaire qui doit rester au monde, d'ailleurs. Et puis, à partir de cela, eh bien, j'ai eu mes premiers problèmes, parce qu'en 90, il y a eu la loi Guesso, et j'ai été poursuivi. J'étais l'un des premiers, d'ailleurs, en France, avec l'Aigle Noir, à être poursuivi. Et dans le même temps, j'ai été exclu de mon école d'ingénieur, puisqu'on avait distribué des tracts sur le campus, des tracts révisionnistes. Alors, on les avait distribués pour nous, c'était à peu près quelques jours avant la profanation, entre guillemets, de Carpentras. Alors, c'était vraiment, on ne peut plus mal ou mieux, on ne sait pas. Enfin, c'était vraiment un hasard, mais enfin, ça a été extraordinaire. C'est que notre distribution de tracts sur le campus avec un de mes amis, avec l'affaire de Carpentras, ça a pris une ampleur. Il y a eu plainte dans mon école. Ils ont su que c'était moi, alors je suis passé en commission de discipline, j'ai été exclu, enfin, tout ça, ça a fait pas mal d'affaires. Et pour rédiger mon mémoire en défense, parce que j'ai porté plainte contre mon école qui m'avait exclu plus ou moins illégalement, j'ai été chez Henri Roch, qui était à l'époque un révisionniste, l'auteur de la thèse de Nantes, pour qu'il m'aide à rédiger mon mémoire en défense. Et le soir, j'ai dormi chez lui. Et en dormant en allant me coucher, j'ai pris un livre dans sa bibliothèque un peu au hasard parce que je voulais lire quelques pages avant de dormir et j'ai pris le livre de Maurice Bardèche, Nuremberg ou la Terre promise. Et dès les premières pages, j'ai senti que c'était une mine ce livre, j'ai senti que c'était une pépite. Et c'est en arrivant, donc je pensais que j'allais lire 10-15 pages, j'allais m'endormir, mais j'ai tout lu en une nuit. Et c'est en arrivant aux pages 50 à 60 quand il dit « Mais oui, maintenant nous sommes une démocratie à perpétuité à cause de Nuremberg, puisque toute renaissance nationale aujourd'hui est frappée d'interdit à cause de la condamnation portée à Nuremberg. » Et là, tout ce que je pressentais, mais que je n'avais pas l'intelligence pour mettre en place, ou pas la maturité, lui, il avait mis en place. Et ce soir-là, c'est vraiment ce qui a changé ma vie. Je veux dire, je pourrais plus dire quand c'était maintenant, parce que je vous dis encore, j'ai pas pris de notes et j'ai eu une vie tellement riche que je sais plus. Et cette nuit-là, ça a changé ma vie. Je me suis dit, non, c'est trop énorme comme mensonge, ça a trop d'implications politiques, il faut dédier sa vie. Et bon, tout est devenu sans importance à mes yeux, mes études, tout est devenu sans importance et je me suis dit, tu vas dédier ta vie au révisionnisme. Donc c'était en 90, 91. J'avais 21 ans, 22 ans. Voilà, pour résumer un peu, quel a été mon parcours qui m'a petit à petit amené au révisionnisme et à être un militant qui a tout fait passer, qui a tout fait passer après le révisionnisme. Voilà, en espérant avoir répondu à la question, j'espère que ça va. Et j'espère que j'ai pas été trop long non plus. Non, non, c'est très très bien. C'est toujours, comment dirais-je, c'est toujours pertinent de comprendre comment une vocation naît, puisqu'on peut parler de vocation, je pense que le mot n'est pas trop faible. Le livre que tu as mentionné, donc Nuremberg ou la Terre promise, ça c'est un livre à lire, c'est un incontournable. Je ne peux qu'encourager les auditeurs à s'y référer et à le lire, même s'ils ne sont pas trop portés sur la lecture. C'est une lecture qui ne sera jamais perdue, vous le découvrirez en le lisant. Alors avant d'entamer le... Pardonnez-moi Gandalf, je voudrais juste rajouter un petit truc. Oui, oui. Vous savez, je crois ce que la physique, par certains aspects de la physique quantique en parle, des échos du futur. Alors bon, c'est une thèse pour l'instant, mais qui dit que forcément d'après la physique quantique, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur, tout est dans un éternel présent. C'est pour ça que les formules physiques ne prennent plus en compte le temps au bout d'un moment. Eh bien, j'ai une chose qui m'est arrivée dans ma vie qui est assez étrange. C'était en 1981, je crois, en 82. Je me revois encore. Donc, je ne connaissais rien du révisionnisme, mais à l'époque, le révisionnisme, il y a eu que l'affaire Forusson en 78, mais bon. Et je me revois encore dans ma chambre, j'étais en train de jouer un jeu de football, le Subutéo, peut-être que certains de ma génération le connaissent, et il y avait la radio qui fonctionnait. Il y a eu les nouvelles, et à un moment, il y a eu une interview de quelqu'un qui a dit « Je ne crois pas aux chambres à gaz ». Et je me rappelle très très bien, je me vois comme si c'était hier. C'est-à-dire que j'étais en train de jouer, moi les nouvelles, j'écoutais ça, j'écoutais à peine, c'était juste parce que j'écoutais la musique, puis il y avait le flash info. Et ça, quand ce gars a dit ça, c'est resté dans ma tête. J'ai dit, tiens, ah bon, je ne crois pas aux chambres à gaz. Puis après je me suis remis à jouer, c'était fini, mais j'ai toujours eu ça dans mon esprit. Je me revois comme si c'était hier, écoutant et entendant ce type dire ça. J'ai fait une enquête auprès de Robert Forusson, de sa sœur, de Henri Rock, en disant, vous souvenez-vous, quelqu'un qui en 81 aurait été, ou en 82, aurait été interviewé, j'écoutais Europe 1, donc c'était sur Europe 1, et qui aurait dit, le soir vers 7h, je ne crois pas aux chambres à gaz. Et personne ne m'a jamais répondu. On a fait des recherches, on n'a jamais trouvé d'où venait cette interview, qu'est-ce qui s'était passé, est-ce que c'était d'Arquet de Pellepoix, on ne sait pas. On ne sait pas, mais en tous les cas, j'ai écouté des centaines de flash infos dans ma vie. Tous, je les ai oubliés, sauf celui-là. Et encore une fois, en 82, je ne connaissais rien de ces affaires. Ça m'avait frappé. Ça m'a toujours étonné, comme un écho du futur. Ce qu'on appelle, nous, enfin, dans cette branche de la physique quantique, un écho du futur, c'est-à-dire comme si le futur me prévenait que ce serait ma vocation. Voilà, alors, je dis ça comme ça, hein. Après, on est libre d'y croire ou de ne pas y croire, mais dans ma vie, ça restera quelque chose d'assez intéressant. Cette interview qui m'est restée alors que tout le reste, ça me passait toujours au-dessus. Merci, c'est très intéressant. Alors, est-ce que nos participants, avant qu'on entame le sujet historique qui nous intéresse aujourd'hui, le 30 janvier 33, veut poser une question à Vincent par rapport à ce qu'il vient de nous dire, aux origines, en fait, de cette vocation, de cet engagement. Est-ce que quelqu'un voudrait lui poser une question relativement à ça? Moi, j'en ai une toute simple. Maintenant, avec le recul, est-ce que vous regrettez cet engagement? Quel bilan, en fait, vous en tirez, personnellement? Alors, je ne regrette absolument pas cet engagement. Si aujourd'hui, j'ouvrais les yeux et je revenais à l'âge de 15 ans et qu'on me disait, tu vois, là, c'est ta vie que tu as vue, là. Alors, tu signes ou tu signes pas? Ah, je signe à 300%. Alors là, je ne regrette rien parce que, en fait, j'ai compris. Il m'a fallu du temps pour comprendre, et c'est l'exil en Angleterre qui m'a permis de le comprendre, vraiment, que tout ce que vous vivez dans votre vie, si vous le prenez bien, ça sert à votre évolution. Et donc aujourd'hui, non, je ne regrette absolument rien. Et je dirais comme Rudolf Hess à Nuremberg, non. Non, si je pouvais revenir dans le passé, je re-signerais à nouveau. Voilà, je n'ai absolument aucun regret, même si aujourd'hui je suis en exil, j'ai perdu beaucoup, mais j'ai gagné tant. Et j'ai rencontré aussi des gens formidables, non, extraordinaires. Une question, moi aussi. Vas-y. Est-ce que vous pensez toujours, comme quand vous étiez jeune, que, effectivement, la thèse du génocide par chambre à gaz, quelque part, disqualifie à elle seule forcément tout le national-socialisme. Alors, non, là-dessus, j'ai évolué. C'est-à-dire que ma pensée est un peu plus complexe maintenant. Je pense que nous sommes dans une société très individualiste qui ne supporte pas toutes les notions d'ordre et de bien commun. Mais on sait très bien, l'être humain normalement sait au fond de lui-même que l'ordre et le bien commun, c'est l'ordre naturel et c'est conforme à l'ordre. Alors, pour refuser ce qui est naturel, l'Holocauste est une super excuse en disant bah oui, mais on sait où ça a mené. Et voilà pourquoi la plupart des gens refusent catégoriquement d'entendre parler de révisionnisme. Ce n'est pas parce qu'ils veulent vraiment que les nazis soient des méchants, c'est fini. mais c'est que ça permet à leurs yeux, enfin c'est ma thèse aujourd'hui, hein, ça permet à leurs yeux de justifier tout refus d'une société d'ordre, d'une société traditionnelle, d'une société où il faudrait non pas se laisser aller dans une vie molle, mais une société qui serait dirigée vers l'effort, le don de soi, etc. Je vous rappelle que en 1942, par exemple, un Belge a fait le tour des jeunesses hitlériennes, parce que c'était à l'époque où l'Allemagne, la Hitlerjugend avait créé ce qu'ils appelaient donc l'Association des organisations de jeunesse étrangères. C'était un projet qui avait été fait pour regrouper toutes les jeunesses de l'Europe. Toutes les jeunesses, en commençant par les pays alliés de l'Allemagne. Il y avait 14 nations qui étaient représentées, et les jeunesses se rencontraient dans les auberges de jeunesse, etc. Il y a même eu les Jeux Olympiques des jeunesses avec les travailleurs volontaires en Allemagne, en 1943, qui représentaient 14 nations, ou 15, je ne sais plus, enfin bref, peu importe. Bon, et toujours est-il que, dans son compte-rendu, il dit une chose extraordinaire, il dit que le champ de cette jeunesse qui se voulait unie, de cette jeunesse européenne, c'était « L'avenir plante son arbre dans la main de celui dont l'effort est le plus austère et qui, de soi, exige plus que ce que les autres peuvent de vous exiger. » Voilà. Et bien tout ça, ça résume le national-socialisme. Voilà, c'est ça. « L'avenir plante son arbre dans la main de celui dont l'effort est le plus austère et qui exige de lui-même plus que ce que les autres peuvent exiger de lui. » Voilà. Et bien c'est ça. Et ça, aujourd'hui, dans notre société qui est amolie, temporairement, je pense, mais c'est insupportable aux gens. Et donc, ils ne veulent absolument pas ça. Et donc, je redis, l'Holocauste est la super excuse pour écarter toutes ces notions d'ordre naturel, d'effort, de don au bien commun, en demandant, on sait où ça a mené. Voilà. Donc, j'ai un peu changé par rapport à avant, où je disais, non, il va suffire d'expliquer aux gens que l'Holocauste est un mensonge. Ils vont dire, ah ben oui, en effet, ah, mais alors, super. Non, c'est plus complexe que ça. Et c'est pour ça que, je veux dire, aujourd'hui encore, le révisionnisme, bien qu'il progresse, piétine encore parce que les gens ne sont pas mûrs. Il faut attendre que la crise s'aggrave et que vraiment, comme je dis toujours, que les supermarchés soient vides et que les pompes à essence soient vides et qu'il n'y ait plus de chauffage. Et là, à ce moment-là, il y aura un changement. Voilà. C'est ma réponse, en tous les cas. Oui. Juste pour préciser, effectivement, ce n'est pas un problème de chambre à gaz. Hein. Quand on voit les très, très nombreux crimes de communisme, ça ne soulève absolument aucune émotion et aucun anathème. Donc, effectivement, c'est une fausse excuse. Hein. Donc, ce n'est pas la peine de se prendre la tête avec ça. Exactement, exactement. Alors par contre, l'argument qui consiste à dire, comme j'entends souvent dans nos milieux, oui, mais on ne fait pas de parallèle avec les crimes du communisme. Ah oui, mais ça, les adversaires, ils ont répondu depuis longtemps. Parce qu'ils disent, attention, non. Le communisme, c'était intrinsèquement bon, mais ça a déraillé. C'est un peu comme le médecin qui, pour vous sauver, veut vous amputer, puis en vous amputant, ben, il vous tue. Mais le communisme, il dit, ça partait d'une bonne intention. Alors que le national-socialisme part d'une intention criminelle. Donc c'est pour ça qu'ils peuvent pas. Ils ont mis au point une dialectique qui est assez fine d'ailleurs, hein, qui est assez fine et qui permet d'éviter ce parallèle. Mais par contre, vous avez tout à fait raison. Normalement, ce qui devrait susciter l'émotion ne la suscite absolument pas. Je veux dire, tous les crimes, tous les bombardements, tout ça. Non, ça passe comme perte et profit. Avec eux, de toute façon, c'est jamais pareil. C'est jamais pareil. Eux, ils peuvent le faire. C'est toujours la même chose. Hein. Nous, on peut pas, mais eux, ils peuvent. Voilà. C'est le deux poids de mesure systématique. Complètement, complètement. Là, il y a le deux poids de mesure extraordinaire. Quand on apprend à se détacher un peu, à que son cœur ne saigne plus quand on voit tout ça, il y a de quoi. C'est assez jouissif de voir leur malhonnêteté, leur total deux poids de mesure. C'est fou, quoi. C'est fou. Si je peux me permettre une petite anecdote, cette semaine, je parlais à Gandalf d'un événement qui m'a un peu énervé. C'est qu'en fait, ma copine qui n'est pas politisée, elle regarde un documentaire à la télé avec forcément des méchants nazis et puis des chambres à gaz, tout ça. Puis tous les Allemands étaient bien sûr des salauds. Et en fait, ce qui m'a interpellé dans la mise en scène que j'ai vu à la télévision, j'ai regardé qu'un petit bout avec elle parce que moi, ça m'insupporte à force, c'est qu'en fait, on présentait Hitler avec des images de guerre absolument horribles. et il y avait les bombes atomiques derrière. Et en fait, quelque part, les gens ont assimilé. Hitler, c'est le chaos total, c'est la bombe atomique. Et ils ont oublié qu'en fait, les deux bombes atomiques lâchées la première fois dans l'humanité, en fait, venaient pas des Allemands. Mais ça passe, oui, il n'y a pas de problème. Les Américains tuent, mais ça va, c'est une tuerie gentille. Ah ben oui, mais attention, ils tuent déjà pour faire protéger la démocratie, puis surtout, attention, ils tuent, ça permet d'écourter la guerre, donc de sauver des millions de vies de soldats. Voilà. Ils ont toujours une réponse, c'est extraordinaire, parce qu'ils nous disent, ah ouais, mais la bombe atomique, vous comprenez, ça a évité qu'au moins il y ait 1 million de morts en allant à l'assaut du Japon. Très bien. Donc, je me place dans le cadre de la thèse officielle. Ils disent, ah mais les SS, ils ont massacré au Radour pour intimider la résistance, donc pour pas qu'ils aient de pertes. Dans l'absolu, ce serait à peu près le même raisonnement. Je tiens compte de la thèse officielle. Hein. C'est-à-dire, je m'en prends à des civils pour intimider les guerriers, pour que les guerriers cessent de faire des actions. C'est exactement ce que font les Américains à Hiroshima et Nagasaki, mais là, c'est bien. C'est bien. Par contre, quand on dit, ah ben, les SS, ils ont fait pareil à Radour, finalement. Ah mais non, mais là, c'est mal. Voilà, c'est toujours le même truc. Ce n'est pas, comme disait Bardèche, l'acte qui compte. C'est la finalité aujourd'hui de l'acte. Voilà, l'acte est coloré entièrement par la finalité. Si vous êtes dans le mauvais camp, on vous en voudra de tout, et comme disait Maurice Bardèche, même d'avoir donné un coup de téléphone. Mais si vous êtes dans le bon camp, vous pouvez larguer des bombes atomiques, vous pouvez larguer des bombes au phosphore, tout est excusé. Tout. Voilà. Et donc à partir de là, ça ne sert à absolument à rien de discuter. Non, on ne peut pas discuter avec des gens qui violent le principe de non-contradiction. Je veux dire, là, normalement, l'intelligence et tout ça se fixe avec le principe de non-contradiction. Or, ces gens-là, absolument pas. Ils peuvent larguer une bombe atomique, c'est pour le bien, parce que ça économise des vies, mais les adversaires... imaginez qu'Hitler, par exemple, en 1940, il dit « Bon, allez, la France, elle est perdue. Allez, hein, vous signez l'armistice ? Non. Bon, alors je vais détruire Caen. Vous n'avez toujours pas signé 3 jours après ? Allez, je détruis Bordeaux. » Qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui ? Oh ! On dirait « Regardez, quel monstre ! On ne voulait pas signer l'armistice, il a détruit, etc. » Mais les Américains, non, non, c'était bien. Voilà, donc il n'y a pas de principe de non-contradiction avec ces gens-là. Pff, ok. Alors, ça, c'est un point intéressant. Ça, j'invite nos auditeurs aussi à se référer à l'œuvre de Carl Schmitt, qui, avant-guerre, mais même après, part de ça, c'est-à-dire de l'absolu moral et des conséquences, des implications que ça a au plan politique, et notamment dans la disqualification totale de l'adversaire. C'est-à-dire que l'adversaire n'est plus un adversaire, c'est le mal incarné, et le mal incarné doit être complètement détruit. Donc cette conception, moi j'appelle ça la démocratie révélée, quoi. Il y a un côté, moi quand j'entends les Américains parler de démocratie, j'ai un peu l'impression d'être sur le mont Sinaï, quoi. Je retrouve quelque chose de très biblique dans la façon dont ils parlent de la démocratie, c'est cette absolutisation. Et on le comprend. Je crois que ça atteint son paroxysme durant la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, il y a cette velléité de domination sans partage que l'on retrouve aussi d'ailleurs dans le système communiste. Mais là, je parle du système américain, devient grotesque. C'est-à-dire, il devient une caricature de lui-même. C'est ce qu'on a vu progressivement dans les guerres moyen-orientales de ces deux dernières décennies, où on voit que tout est scénarisé comme dans un film d'Hollywood. Enfin, c'est de plus en plus grotesque. Mais sur les deux bombes atomiques qui ont été larguées sur le Japon, il faut toujours se référer à la lettre adressée par Truman au gouvernement japonais. Parce que ce n'est ni plus ni moins, il suffit de la lire pour le constater, ce n'est ni plus ni moins qu'une menace de génocide. Pas une menace vide. C'est-à-dire que Truman dit aux Japonais, nous allons incinérer votre peuple, ville par ville, nous allons incinérer votre peuple si vous refusez de capituler, par l'arme nucléaire, par le feu nucléaire. Nous allons incinérer votre peuple par le feu nucléaire si vous refusez de capituler. C'est, comme tu le dis très bien, Vincent, Adolf Hitler n'a jamais signé une lettre adressée à aucun gouvernement de cette nature en disant « Nous allons incinérer votre peuple entier si vous refusez d'obéir à notre volonté ». Les Américains l'ont fait, et ils ne sont pas contents d'écrire une lettre par la voix de leur président, ils sont passés à l'acte. Et ça, il faut l'avoir à l'esprit. Alors évidemment, dans une guerre, c'est une guerre, mais il y a toujours des drames, des atrocités, des pertes. Mais enfin, cette dimension-là, que tu as très bien souligné, Vincent, est très importante à pointer du doigt pour comprendre le climat, j'allais dire même moral, qui entoure cette période et qui explique le traitement totalement univoque qu'on subit encore aujourd'hui, avec des conséquences très, très évidentes, puisque comme tu le dis, finalement, on nous brandit toujours le même truc. Ah oui, mais on sait où ça a mené. Donc une disqualification immédiate, on nous renvoie immédiatement dans la case du diable. Donc ça, je pense que c'est important de le souligner. C'est bien qu'on en ait parlé dans ces termes avant de commencer. Permets-moi juste de... Hitler, non seulement, n'a jamais fait ça, mais il y a quelque chose qu'on souligne jamais. À partir de 1943, on commence à détruire... Enfin, les Anglo-Américains commencent à détruire les villes une par une. Puisque je vous rappelle que dès 1942, l'Angleterre titrait... We smash their town one by one. Donc, nous écrasons leur ville une par une. Imaginez que ça a été fait contre la France. Il s'est imaginé que ce soit l'Allemagne qui ait fait ça contre la France. Et que la France ait eu des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de prisonniers. Qu'est-ce qu'aurait fait la France? Très simple. Elle aurait mis les prisonniers au haut des immeubles. Elle aurait dit, vous bombardez les immeubles, vous allez tuer vos gens. Hitler n'a pas fait ça. Pourtant, il avait des centaines de milliers de prisonniers français à disposition, aussi des Anglais, mais il aurait pu faire ça. Il aurait pu dire, ok, on a des otages, vous bombardez nos villes, sur chaque toit d'immeuble, il y a une dizaine de prisonniers. Allez-y, bombardez-les. Il n'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Un héros, cet homme. Un chevalier. Parce qu'il y a d'autres gens qui s'en seraient pas privés. Et non seulement il ne l'a pas fait, mais en 1944, il y a eu l'affaire de Sagan. C'est quelques dizaines d'aviateurs anglais ou anglo-américains qui s'évadent d'un camp de prisonniers. Bon, ils ont été repris et visiblement, dans la panique des derniers temps, ils ont été fusillés. Ou au moins un certain nombre. L'affaire n'est pas très très claire. Bon. Et quand ça revient aux oreilles des Anglais et des Américains, ils envoient une lettre de protestation à l'Allemagne. En disant, mais c'est scandaleux, vous avez fusillé quelques-uns de nos aviateurs. Et les Allemands, qu'est-ce que les Français auraient répondu? Attendez, vous êtes en train de bombarder nos villes tous les jours, vous tuez des femmes et des enfants, et vous allez nous embêter pour quelques aviateurs fusillés. Mais les Allemands répondent pas ça. Ils disent, oh zut, ah oui, c'est un problème de droit international. Ah, c'est embêtant quand même ça. Et il y a eu toute une correspondance entre le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Guerre, sur « Ah oui, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a tué ces quelques aviateurs ?» Vous vous rendez compte? C'est des choses qu'on ne sait absolument pas, mais le caractère chevaleresque des Allemands, le caractère chevaleresque d'un Adolf Hitler, qui avait dit « On ne fera pas la bombe atomique, parce que si de toute façon on l'a, les autres l'auront, alors ça servira à quoi qu'on leur envoie, ils nous en enverront, tout va être cassé. » Non, c'est extraordinaire, c'est vraiment le camp du bien qui a perdu. Enfin, voilà ce que je voulais rajouter. Alors messieurs, je vous propose de commencer sur le thème de l'émission d'aujourd'hui, 30 janvier 1933, début du moins de la grande politique nationale-socialiste, mais avant il y a eu toute la phase de conquête du pouvoir. Alors aujourd'hui je voulais interroger notamment, mais pas uniquement, Vincent sur ce jour très important, ce 30 janvier 1933, essayer de comprendre en quoi ça a été un tournant, quelle politique aussi va en découler. Mais je me suis dit tout simplement que beaucoup de nos auditeurs, pour des raisons évidentes, de temps, de aussi peut-être de ne pas avoir eu l'idée de chercher dans le détail, ne connaissent pas la lutte absolument terrible menée par le mouvement national-socialiste pour libérer l'Allemagne. libérer l'Allemagne d'ailleurs, des mêmes forces qui aujourd'hui contrôlent l'Occident. Ce sont grosso modo les mêmes acteurs. Hein. Et d'ailleurs, souvent même, ce sont même les mêmes familles. On peut même faire les généalogies. Hein. Et on a l'impression, quand on lit ces livres d'histoire, parce qu'il faut se mettre aussi dans les chaussures des plus jeunes auditeurs, qui sont au lycée, pour certains, on a des très jeunes auditeurs qui sont au collège, et qui entendent ce qu'on leur dit, voilà, vite fait, un passage dans un livre d'histoire, avec évidemment des histoires de vampires, pratiquement. Mais ils ne connaissent pas vraiment ce qu'a été cette lutte. Contre quoi ils ont lutté, quels ont été les obstacles absolument immenses qui ont été posés devant le mouvement national-socialiste et qu'il a réussi à dépasser. Alors je me suis dit que, avant que Vincent nous parle de ce 30 janvier, qu'il nous parle aussi de ce qui va découler du 30 janvier, comment est-on arrivé au 30 janvier ? Alors, c'est difficile d'être très concis. Alors je me suis limité à la bataille pour Berlin, la bataille politique menée par le mouvement national-socialiste de Berlin. J'ai trouvé un article, et comme souvent, j'aime cette approche, j'ai pris un article du Spiegel. Donc c'est un journal, tout ce qu'il y a de plus conformiste, antifasciste au possible, bien sûr. C'est un journal d'occupation, hein, c'est sa fonction. Et je me suis dit, c'est toujours bien de partir de ce que disent les vainqueurs, déjà, et le pouvoir en place. Donc, citer la presse établie n'est pas problématique à mes yeux, au contraire. Donc, cet article commémore, enfin, fait partie d'une série d'articles qui retrace l'histoire de la ville de Berlin, une série spéciale qu'avait fait le Spiegel là-dessus, donc une publication allemande très connue. Et, ma foi, le récit de la lutte politique pour la conquête de la ville de Berlin m'a paru bien narré, et ça va permettre, je crois, à la lecture de cet article, alors qui sera peut-être un petit peu long, ne m'en voulez pas, mais c'est pour poser le cadre, ensuite Vincent prendra la parole et il pourra développer, mais pose très bien le cadre général de ce qui se passe du milieu des années 20, avec les tensions qu'on connaît, avec beaucoup de similitudes d'ailleurs avec notre époque, jusqu'à la victoire de 1933. Mais contrairement à ce qu'on dit souvent dans les livres d'histoire, ce n'est pas simplement une victoire électorale, on entend souvent ça, c'est une victoire électorale. Vous savez, il a juste fallu convaincre des gens d'aller mettre des bulletins dans l'urne. C'est beaucoup plus violent que ça. Et ça, je voulais le souligner. Alors, je vais lire cet article. Bien sûr, les participants ainsi que Vincent peuvent m'interrompre pour souligner un point ou voilà, pour poser une question éventuellement, n'hésitez pas. Et ensuite, quand j'en aurai terminé avec la lecture, on pourra donner la parole à Vincent, bien entendu. En ce 7 novembre 1926, gris, rien n'indiquait que le petit homme de 29 ans qui marchait en boitant et qui venait de descendre d'un train à la gare Anhalter de Berlin, allait façonner le destin de la capitale allemande. Joseph Goebbels, fonctionnaire de carrière du Parti national-socialiste des travailleurs allemands, ou Parti nazi, était arrivé pour remplir ce qui semblait être une mission impossible. En tant que Gauleiter, ou chef régional du parti, il avait été chargé de mener la lutte pour le pouvoir à Berlin. À l'époque, le groupe dissident dirigé par Adolf Hitler comptait 49 000 membres dans toute l'Allemagne. Il était dans un triste état dans la capitale où il ne pouvait s'enorgueillir que de quelques centaines de membres. Dans un rapport rédigé en octobre 1926, un responsable du parti a écrit au sujet de l'effondrement, écrit à propos du parti qu'il est dans un état d'effondrement complet. Il décrit ce groupe hein, comme autodestructeur, subissant la confusion générale et au-delà même, ne pouvant même pratiquement pas être mis sur pied. Alors, le bureau du parti est situé au 109 de la Potsdamer Straße, ne pouvait que renforcer cette impression. Il se composait d'une pièce sombre au sous-sol qui sentait la fumée de cigarettes, la sueur et la bière. Les membres du parti l'appelaient la fumerie d'opium. À la fin de l'année, Goebbels louait un bureau plus acceptable pour le parti dans la Lützowstraße. Il avait chassé les fainéants et les fauteurs de troubles du parti et avait appelé les membres restants à participer à diverses campagnes. Goebbels était en fonction depuis à peine une semaine qu'il organisait une marche dans le quartier de Neukölln, un bastion communiste qui se transforma en émeute de rue. Goebbels voulait que le parti d'Hitler montre ses couleurs à Berlin, qu'il décrivait comme la ville la plus rouge d'Europe après Moscou. Ensemble, le Parti social-démocrate, donc les socialistes, et le Parti communiste d'Allemagne avaient obtenu 52% des voix aux élections municipales de 1925. Le nouveau leader national-socialiste de Berlin décida de combattre la supériorité numérique de la gauche par une attaque frontale. Il se rendit à la Pharusale, une salle de réunion souvent utilisée par le KPD, donc le Parti communiste allemand, pour ses rassemblements de masse dans le quartier des mariages de Berlin, et prononça un discours sur le thème de l'effondrement de l'état de classe bourgeois. Meine Kommilitonen, deutsche Männer und Frauen, das Zeitalter eines überspitzten jüdischen Intellektualismus ist nun zu Ende. Und der Durchbruch der deutschen Revolution hat auf dem deutschen Weg wieder die Gasse frei gemacht. Cela provoqua les communistes. Le 11 février 1927, la réunion du Parti national-socialiste se transforme en une violente bagarre entre les deux groupes. Des verres de bière, des chaises et des tables volent dans la salle et des personnes sont gravement blessées. Elles sont laissées sur le sol couvertes de sang. Malgré les blessures, ce fut un triomphe pour Goebbels, dont les hommes tabassèrent environ 200 communistes et les chassèrent de la salle. Goebbels a fait de Berlin un laboratoire en faisant appel au service de la Sturmabteilung, donc les divisions d'assaut, les sections d'assaut, en uniforme, ou SA, dont les membres étaient connus sous le nom de chemise brune. La SA combinait le romantisme des soldats, la haine des jeunes pour les élites plus âgées, et la rage de la classe ouvrière berlinoise de la partie orientale de la ville contre ses quartiers plus riches de l'Ouest. Pour le Parti national-socialiste, les chemises brunes, qui comprenaient les chômeurs, les sous-employés, les apprentis et les lycéens, étaient des soldats politiques. Pour Goebbels, leur tâche était la conquête de la rue. Dans le creuset de Berlin, ces hommes, jeunes pour la plupart, devaient concilier et incarner deux visions du monde jusque-là hostiles. Le nationalisme, que Goebbels estimait devoir être remodelé de façon révolutionnaire, et un vrai socialisme libéré du marxisme. Les Juifs de Berlin sont devenus le paratonnerre de cette expérience qui visait à amener les tensions sociales et politiques de la métropole à leur point de rupture. « Le juif était un aspect négatif qu'il fallait éradiquer », écrivait Goebbels en 1919. Il considérait que les Juifs incarnaient à la fois le capitalisme, le communisme, la presse et la police. Son slogan, les Juifs sont à blâmer. En tant que chef des nationaux socialistes de Berlin, Goebbels a choisi Bernhard Weiss, le chef adjoint juif de la police de la ville, comme cible de son agitation antisémite. Goebbels l'a surnommé Isidore, et après que Weiss ait poursuivi Goebbels en justice pour diffamation et obtenu gain de cause, il l'appelle à la place Weiss, qu'on n'a pas le droit d'appeler Isidore. Goebbels s'est moqué des policiers de Weiss en les appelant les Bernardiner, c'est-à-dire les chiens de Saint-Bernard. Les jeunes membres du parti chantaient des chansons satiriques sur Isidore et portaient des masques Isidore, et ils mettaient souvent les rieurs de leur côté. En effet, les nazis ont utilisé l'humour vulgaire comme une arme tranchante dans leur lutte contre la République de Weimar. Nous nous sommes moqués de tout un système et nous l'avons fait tomber par des rires retentissants, écrivait en 1937 Günther Dahlken, le jeune rédacteur en chef de Das Schwarze Korps, le Corps Noir. C'était le journal officiel de la Schutzstaffel, donc la SS, qui a été fondée en 1925 comme garde prétorienne d'Adolf Hitler. Goebbels pensait que le chahut était nécessaire. Le 5 décembre 1939, lors de la projection d'une adaptation cinématographique, du roman pacifiste à l'Ouest, rien de nouveau, au cinéma Mozartsaal, des membres de la SA lâchèrent des souris blanches dans le public. Des femmes en train de crier interrompirent le film, tandis que les SA éclataient de rire. Goebbels lui-même était assis dans le public. Il justifiait sa stratégie de provocation en disant que les nationaux-socialistes pouvaient être accusés de beaucoup de choses, mais certainement pas d'être ennuyeux. Les batailles de rue et les bagarres lors des réunions politiques ont forgé un sentiment d'unité et de camaraderie entre les membres du parti à Berlin. Le 1er mai 1927, Hitler s'adressa pour la première fois à eux dans la salle de concert très connue du Clou. Goebbels jouit alors de la confiance d'Hitler et est ému aux larmes par son discours sur l'espace et le peuple. À l'époque, en fait, Hitler est encore interdit de parole en Prusse et ne peut donc organiser que des meetings privés dans des espaces loués. Les membres du parti à Berlin aimaient l'homme qu'ils appelaient notre docteur Goebbels parce qu'il passait du temps au contact direct avec eux. Il réconfortait les blessés graves lors des violences avec les communistes, tenait la main des mourants et assistait aux funérailles des morts. Goebbels, qui n'a pas pu combattre pendant la Première Guerre mondiale en raison de sa jambe droite déformée, s'est révélé être le meilleur soldat d'une armée qui menait une guerre civile insidieuse. Pendant cette guerre, les nationaux-socialistes ont survécu à de graves difficultés. 5 jours après le discours d'Hitler au Clou, la police interdit le parti national-socialiste à Berlin. Mais cela n'a pas stoppé son ascension. Goebbels, qui avait lu les mémoires d'August Bebel, un homme politique marxiste et cofondateur du Parti social-démocrate en Allemagne, avait tiré une leçon de la lutte des sociodémocrates contre les lois antisocialistes de Bismarck. Les nazis, je cite l'article, créèrent des groupes apparemment inoffensifs, tels que des clubs de bowling, d'épargne ou de natation, sous la devise « pas mort malgré l'interdiction ». Goebbels créa le journal Der Angriff, l'attaque, en juillet 1927, initialement sous forme d'hebdomadaire. Le sous-titre, « Pour les opprimés, contre les exploiteurs », visait les lecteurs de la classe ouvrière. Au début, les nationaux-socialistes n'ont connu qu'un succès modeste. Quelques 39 000 Berlinois, soit 1,6% de la population totale de la ville, ont voté pour le parti d'Hitler lors des élections de mai 1928 au Reichstag. Cependant, l'interdiction du Parti national-socialiste à Berlin fut levée pour la campagne électorale. Lorsque Goebbels devient l'un des 12 députés nationaux-socialistes du Reichstag, il y entra avec des mots provocateurs. « Nous n'avons rien à voir avec le Parlement, nous le rejetons de l'intérieur. » En effet, la stratégie de la branche berlinoise du Parti national-socialiste était de servir d'opposition extra-parlementaire, en formant des cellules dans la rue et dans les entreprises, en prenant pour modèle l'approche communiste. En 1928, le parti a organisé un rassemblement avec plusieurs milliers de sympathisants, remplissant le Sportpalast, le palais des sports d'hiver, dans la Potsdamer Straße. En 1929, le parti est dirigé par, je cite, « le bandit en chef Goebbels », comme l'appelaient les communistes, remporte 5,8% des voix au conseil municipal et obtient 13 sièges au Parlement de la ville. Le système de la République de Weimar, que les nationaux-socialistes attaquaient, était resté relativement stable pendant longtemps. Mais cela a changé à la fin du mois d'octobre 1929, lorsque la bourse de New York s'est effondrée. Le chômage de masse augmenta fortement, augmentant le potentiel d'agitation urbaine. Les nationaux-socialistes de Berlin ont mené une guerre politique sur deux fronts. L'un des fronts était contre les sociodémocrates, c'est-à-dire les socialistes, et les partis établis qui dirigeaient la ville et le pays. L'autre était contre les communistes, dont les rangs se sont gonflés lors de la crise. Dans sa lutte contre les propagandistes de la révolution communiste mondiale, le parti national-socialiste n'avait qu'une seule chance de se différencier de la droite réactionnaire. Dans Der Angriff, Goebbels polémiquait contre les gros chats noirs, blancs et rouges, en se référant aux couleurs du drapeau de l'Empire allemand, repris par de nombreux nationalistes de droite. « Vous dites patrie », écrit-il de manière accusatrice, « mais ce dont vous parlez, ce sont de pourcentages. » Il voyait dans les travailleurs déçus par la mollesse du Parti socialiste un groupe cible privilégié. Il a qualifié notamment le Parti socialiste, le SPD, de parti le plus effronté d'Allemagne et le tenait pour responsable de la pauvreté, de la faim, des gros chats, donc des profiteurs, et des travailleurs maigres, donc affamés. Selon Goebbels, les sociodémocrates, en août 1930, n'étaient plus les protagonistes d'un socialisme véritable et déterminé, mais étaient devenus les laquais et les bénéficiaires du capitalisme de marché. En fait, avec ses politiciens vieillissants et corruptibles, le SPD a facilité les choses pour les nationaux-socialistes à Berlin. Le plus grand défi pour les nationaux-socialistes était le Parti communiste d'Allemagne, dirigé à Berlin par Walter Ulbricht, qui allait devenir le leader de facto de l'Allemagne de l'Est après-guerre. Le parti militant avait ses fiefs dans les quartiers rouges de Berlin, comme Friedrichshain et Wedding. Il disposait d'une puissante organisation paramilitaire au sein du Rotter Fronterkämpferbund, l'alliance des combattants du Front Rouge. Les hommes politiques qui espéraient réussir dans les quartiers rouges de Berlin devaient y parler une langue comprise. Dans un tract distribué en septembre 1931 aux chômeurs qui attendaient devant une agence gouvernementale berlinoise, Goebbels écrivait que le parti se tournait vers les travailleurs sans travail et sans espoir, exposés à la forme la plus horrible de désespoir, et il promettait de détruire le système du capitalisme et de le remplacer par un nouvel ordre socialiste. Dans leur appel à tous les chômeurs, les nationaux-socialistes ont habilement remis en question la force des partis de gauche, le Parti socialiste et le Parti communiste. Goebbels courtisait les prolétaires en les traitant comme des épouses trompées, en les appelant « vous qui avez été abandonnés par vos séducteurs ». Goebbels connaissait bien les points faibles des communistes, à savoir le langage souvent hors de portée de leurs fonctionnaires et le contrôle que les dirigeants soviétiques exerçaient sur eux. Dans son journal Der Angriff, Goebbels écrivait que le Parti communiste, en tant que légion étrangère russe sur le sol allemand, était créé avec l'argent russe et les ressources humaines allemandes, s'aliénant de nombreux membres du prolétariat. Alors, parmi donc, les violences de rue, un nom qui va devenir très connu, Horst Wessel. Horst Wessel était l'un des propagandistes nationaux-socialistes qui avait su gagner le soutien des travailleurs. Né en 1907, il était diplômé d'un lycée qui mettait l'accent sur les classiques, mais avait abandonné l'université avant d'obtenir un diplôme. Wessel se considérait comme un socialiste qui avait été ébranlé par le grand appauvrissement social et la servitude des classes ouvrières dans toutes les professions. Wessel, fils d'un pasteur protestant, a 19 ans lorsqu'il rejoint le Parti national-socialiste en 1926. En 1929, il avait progressé pour devenir chef d'une escouade de l'ASA dans le quartier de Friedrichshain. En quelques semaines, les compétences rhétoriques de Wessel l'avaient aidé à recruter des dizaines de nouveaux membres. Ensemble, ils allaient devenir le légendaire SA-Sturmfünf. En effet, à côté de Goebbels, personne ne parlait plus souvent que Wessel pour le Parti national-socialiste dans le Grand Berlin. Les discours de Wessel ont même réussi à convaincre d'anciens communistes d'adhérer à l'ASA. Avec l'approbation de Goebbels, ils furent autorisés à apporter leurs instruments de musique, des instruments avant ressemblant à des hautbois appelés Schaum, lors des événements nationaux-socialistes. Wessel et ses amis cherchèrent à établir des contacts avec les prolétaires dans les cours sombres et les tavernes bruyantes, au coin des rues et dans les agences pour chômeurs. Ce faisant, ils se conformaient au troisième des 10 commandements pour les nationaux-socialistes rédigés par Goebbels. « Tout camarade national, même le plus pauvre, fait partie de l'Allemagne, aime-le comme tu t'aimes toi-même. » Il est rapidement devenu une figure détestée de la commune, comme les nazis appelaient le Parti communiste. Le 14 janvier 1930, Albrecht Höller, un proxénète communiste, tire dans la bouche de cet officier de la SA qui vit avec une ancienne prostituée. Wessel est mort des complications de l'attentat le 23 février suivant. Ces funérailles illustrèrent à quel point Berlin était devenu incontrôlable. Les communistes attaquèrent le cortège funèbre et tentèrent de saisir le cercueil. Avant les funérailles, ils avaient peint les mots « un dernier Hitler au macro ». Alors je poursuis la lecture, c'est un peu long, mais ça a son utilité. Hein. Mais le meurtre de l'un de ses plus puissants propagandistes n'avait pas affaibli le mouvement national-socialiste à Berlin. Les communistes en particulier furent de plus en plus souvent victimes de membres armés des SA. Dans une version de leur chanson « Nous marchons dans le Grand Berlin », ils chantaient « Le front rouge, brisez-les en 1000 morceaux ». Dans une autre version, les paroles furent changées en « Réduisez-les », donc les communistes, en bouillie. Und Groß Berlin marschiere viel für Adolf Hitler kämpfe viel. Die rote Front trägt die Ex-Mein, es aber hier, Achtung, die Frage. Le Parti national-socialiste continua à attirer de nouveaux membres et Wessel devint leur martyr. Dans les attaques de Barre, des SA, qui selon la police furent multipliées par 5 entre 1928 et 1931, les membres des SA dans leur uniforme brun chantaient l'hymne que Wessel était censé avoir écrit « Hissez haut le drapeau, les rangs se resserrent, les SA marchent d'un pas calme et régulier. » Après la mort de Wessel, il était clair que Berlin était au bord d'un tremblement de terre politique. Le 10 septembre 1930, une foule de plus de 100 000 personnes se présente devant le Sportpalast, essayant de se rendre à un rassemblement auquel participe Adolf Hitler. Lors des élections du Reichstag, qui se sont tenues 4 jours plus tard, le Parti national-socialiste est devenu le deuxième parti le plus puissant du pays, recueillant 18,3% des voix. À Berlin, où il est devenu le troisième parti le plus puissant avec le Parti communiste et le Parti socialiste, il a recueilli 396 000 voix, soit plus de 10 fois que 2 ans plus tôt. Les nationaux-socialistes étaient devenus le centre du pouvoir politique et le précurseur en matière de politique. Même les communistes, qui avaient d'abord espéré combattre les nationaux-socialistes avec leurs poings, des poings américains et des revolvers, leur devise étant « tabasser les fascistes où que vous les rencontriez », faisaient maintenant la cour aux partisans d'Hitler. Le 1er novembre 1931, lors d'un appel du bureau du district de Berlin-Brandebourg, le Parti communiste faisait l'éloge des travailleurs nationaux-socialistes et des partisans prolétariens du Parti national-socialiste, les qualifiant de « combattants honnêtes contre le système de la faim ». En effet, les nationaux-socialistes avaient brisé le monopole du Parti communiste en tant que seul parti de protestation parmi la classe ouvrière berlinoise. En août 1930, le journal officiel du Parti communiste, Der Parteiarbeiter, le travailleur du parti, se plaignait que les nouveaux camarades du Parti communiste n'avaient pas l'esprit de camaraderie nécessaire pour pouvoir coopérer avec des amis. Mais les nationaux-socialistes n'avaient pas ce genre de problème. Au lieu de la rigidité idéologique du Parti communiste, les foyers des SA offraient de la soupe chaude et de la solidarité. En 1932, il y avait 15 000 membres des SA à Berlin. Pendant les vacances de Noël, les membres du parti au chômage étaient invités dans les maisons des membres qui avaient encore du travail, dans ce que Goebbels appelait le socialisme d'action. Le concept s'est progressivement imposé dans le quartier rouge de Wedding, où le nombre de membres du parti passa de 18 à 250 entre 1928 et 1930. Dans un quartier où la majorité des gens votaient communiste, les jeunesses hitlériennes organisaient des soirées de discussion publique avec des titres tels que la croix gammée ou l'étoile soviétique. Les travailleurs qui avaient vécu en Union soviétique étaient des invités populaires aux soirées d'agitation nazie. Ils donnaient des récits édifiants de la vie misérable des travailleurs et du règne de la terreur de la police secrète en URSS. Donc, on approche de la fin de l'article, où là, la conclusion politique se précise. En 1932, lorsque le nombre de chômeurs dans l'ensemble du Reich a atteint plus de 6 millions et 600 000 pour la seule ville de Berlin, le Parti national-socialiste a réussi sa percée pour devenir un parti majeur, comptant 40 000 membres dans son organisation régionale. En mars 1932, le parti mobilisa environ 80 000 personnes lors d'un rassemblement se déroulant dans le parc du Lustgarten. Le 4 avril, quelques 200 000 personnes se rassemblèrent sur la place située entre... Ils se rendent dans le centre-ville de Berlin, 200 000 personnes pour acclamer Adolf Hitler en personne. En janvier 1932, les élections générales du corps étudiant à Berlin avaient montré que les étudiants de l'université étaient également désireux de soutenir Hitler. Les nationaux-socialistes remportèrent 3794 voix sur 5801 votes exprimés, soit près des 2/3. La vague hitlérienne avait même atteint les enfants qui entrèrent dans la jeunesse allemande, une subdivision de la jeunesse hitlérienne pour les jeunes garçons, et dans la Ligue des filles allemandes. En 1932, beaucoup de grands-mères étonnées se trouvèrent confrontés à leur petite fille de 10 ans qui insistait « Mamie, tu dois voter Hitler ». Les jeunes hommes qui lisaient Der Angriff qui devint un quotidien en novembre 1930, étaient des leaders d'opinion dans les bureaux et les usines. Au début du mois de novembre 1932, l'organisation des cellules industrielles national-socialistes, en collaboration avec l'opposition de l'Union révolutionnaire du Parti communiste, organisa une grève contre les réductions de salaires décidées par l'autorité des transports de Berlin. Les nationaux-socialistes et les communistes montèrent des piquets de grève ensemble et unirent leurs forces pour battre les briseurs de grève. La grève coûta au parti un grand nombre de voix lors de l'élection du Reichstag le 6 novembre 1932. Surtout dans les quartiers de la classe moyenne. Mais Goebbels poursuivait un objectif stratégique dans la ville où le Parti communiste était désormais le parti le plus puissant. Notre position fixe parmi les travailleurs ne doit pas vaciller, écrit-il dans son journal. Goebbels promettait le droit au travail et une Allemagne socialiste qui redonne du pain à ses enfants. Cela réveilla les espoirs de 31,3% des électeurs berlinois qui votèrent pour le NSDAP lors des dernières élections du Reichstag en mars 1933. Quand on me parle du 30 janvier 1933, mon objectif, moi, ça a toujours été de répondre aux arguments des adversaires. Et quand on parle du 30 janvier 1933, on dit, on apprend aux jeunes, établissement de la dictature. On dit donc que ben voilà, jusqu'en janvier 1933, l'Allemagne, oui, elle vit une crise économique. Mais bon, en dehors de ça, c'est la République de Weimar, la liberté, etc. La Constitution, les partis, etc. Et lorsqu'Hitler arrive au pouvoir, tout ça va être effacé. Et bien ça, c'est le plus grand mensonge que l'on puisse déjà dire. Ce n'est pas un mensonge par action, c'est un mensonge qu'on appelle par omission, et c'est le plus pernicieux en histoire. L'histoire, en gros, le grand mensonge consiste à dire « Ah, tel jour, à 5 heures, il m'a frappé. » Mais sans dire qu'à 4 heures, enfin, à 5 heures moins 10, moi, je lui avais donné 3 coups de poing aussi. Alors, l'histoire mensongère, elle consiste à partir d'une date et à dire « Voilà ce qui se passe à partir de là, regardez. » Mais à pas montrer ce qui se passe avant. Et l'article est très bon. L'article que tu viens de dire est très bon parce que justement, ça met une toile de fond, mais il faut même aller plus loin. Il faut même aller plus loin parce que en 1933, le 30 janvier 1933, mais la République de Weimar était morte. Et elle était morte depuis des mois, voire depuis 2 ans. Et c'est ça qu'il faut impérativement comprendre. Car si on ne comprend pas ça, on se condamne à ne rien comprendre non seulement de l'arrivée d'Adolf Hitler au pouvoir, mais aussi de la suite. Alors, c'est pour ça que j'aimerais revenir un peu justement sur la période avant 1933. Parce qu'elle est capitale, et elle permet toujours de comprendre. L'Allemagne vivait 3 crises, elle n'en vivait pas qu'une. Elle vivait une crise économique, une crise morale et une crise politique, qui toutes les trois, d'ailleurs, étaient imbriquées. Alors, la crise économique, en effet, elle était déjà là dans les années 20, mais surtout, elle s'est renforcée, et elle est devenue très grave, en effet, suite à la crise de 1929. Et lorsque tu as parlé tout à l'heure de 6 millions de chômeurs, c'est vrai, mais à Nuremberg, Fritz von Papen l'a bien expliqué. Il a dit « Le problème au centre de nos préoccupations était la question économique. La grande misère économique et le 1,5 million de jeunes chômeurs, les 6 millions à 7 millions de chômeurs totaux et les 12 à 13 millions de chômeurs partiels. » C'est-à-dire que quand on dit « l'Allemagne a 6 millions de chômeurs à l'époque », c'est faux. C'est faux. Si on tient compte des chômeurs totaux, des chômeurs partiels qui ne pouvaient pas vivre avec leur petit salaire et de toutes les familles qui étaient touchées, on arrive à largement 25 millions de gens qui sont directement ou pas victimes du chômage. Une crise énorme, énorme. Et il faut savoir que, par exemple, le 13 novembre 1932, dans un quotidien français qui était tendance catholique, donc qui n'était absolument pas pro-national-socialiste, pas du tout. Eh bien, il y avait des gens qui revenaient d'Allemagne et qui et qui racontaient ce qu'ils avaient vu. Et je vais vous lire quelques passages, c'est assez court, mais regardez. Il disait, les communes de Gotha en Thuringe ont à dépenser 31 millions de marks par an pour les chômeurs, tandis que leur recette entière n'est que de 25 millions. Donc, ils auraient dû dépenser plus que ce qu'ils gagnaient, enfin, ce que la commune gagnait. Comme il n'y a malheureusement pas assez d'argent, on a dû expulser des hôpitaux les malades et les paralysés, et on a même dû renvoyer les fous des maisons d'aliénés. Tout de même, il y a 15 000 familles dans ces communes ayant droit au secours du chômage qui ne peuvent être secourues faute de ressources. Dans le village de Schwarzwald, en Thuringe, les dépenses annuelles pour le seul secours au chômage sont de 42 226 marks, mais tous les habitants du village qui travaillent encore ne gagnent en totalité que 35 400 marks. S'ils voulaient donc tous travailler pour rien et tous remettre leur salaire extrêmement réduit au fonds de secours du chômage, il n'y aurait pas assez d'argent pour secourir les chômeurs. Il y a une commune dans la forêt de Thuringe avec 600 habitants, dont 210 travaillaient à l'époque normale. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 9 qui travaillent, mais la plupart d'entre eux sont des chômeurs partiels. Dans les villages, les citoyens partagent fraternellement leur dernière croûte de pain. Il y a des villages entiers qui ne peuvent plus vivre que de la mendicité. Dans la commune de Rützostalt, les maires ont dû remettre un certificat aux habitants pour leur certifier qu'ils ont droit au secours du chômage d'après les lois, mais que la commune ne peut rien leur donner. Voilà où on en était arrivé en novembre 1932. Il faut savoir que dès 1928 en Allemagne, pour 100 000 habitants, il y avait 39 suicides. 39 pour 100 000. En France, il en avait 16 pour 100 000 et en Grande-Bretagne, il en avait 12 pour 100 000. Et ce n'était pas des suicides à cause d'affaires de cœur ou d'affaires sentimentales, pas du tout. Je vous lis un petit extrait. Ce ne sont même plus les drames passionnels qui forment le gros de ce funeste contingent de suicidés. 63% des suicidés ont succombé devant la misère. 67% d'entre eux avaient plus de 60 ans et appartenaient à la catégorie des rentiers laminés par l'inflation de 1923. Le reste se composant d'anciens fonctionnaires auxquels ni l'État ni les communes ne subvenaient d'une manière qui leur permit de vivre décemment. Donc, déjà, les fonctionnaires, les anciens, tout ça, laminés et des suicides en pagaille. Mais la jeunesse était aussi touchée, toujours à Nuremberg. Fritz von Papen a expliqué. La situation de la jeunesse était alors la suivante. L'étudiant pouvait espérer se tirer d'affaire en travaillant et y arriver tant bien que mal. Mais après, selon toute probabilité, il irait rejoindre le prolétariat des diplômés, car aucun espoir pour lui d'exercer sa profession. Le jeune ouvrier avait peu de chances de trouver une place d'apprenti. Pour lui, il ne restait comme perspective que la sordide misère des gens au chômage. C'était une génération à laquelle personne ne viendrait en aide si elle ne se tirait d'affaire elle-même. Alors étonnez-vous, après ça, que ces jeunes se soient tournés soit vers le marxisme, soit vers le national-socialisme. Et une institutrice en 1932, une institutrice allemande, écrivit « J'aimerais pouvoir vous envoyer des descriptions des misères dans les familles des chômeurs, chômeurs totaux depuis 2 ou 3 ans. C'est horrible. Dans ma classe, j'ai 33 enfants. De 19, les pères sont chômeurs. Et le pire, c'est l'effet moral du chômage. Imaginez un jeune homme, il quitte l'école, il veut travailler. On n'a pas besoin de vous. Ils disent « superflu ». Un mot dur pour une vieille personne, un mot insupportable pour un jeune homme ou une jeune fille. Quelques-uns et quelques-unes trouvent une position comme apprenti, mais aussitôt que le temps d'apprentissage est fini, le chômage commence, car le directeur, le patron, trouve plus avantageux de payer le gage d'apprenti que celui d'employé ou d'ouvrier. Les jeunes gens de 19 à 20 ans sont presque tous des chômeurs. L'effet moral est catastrophique. Les uns croient tout ce qu'on leur promet, soit les communistes, soit les itériens. Les autres apprennent à voler, etc. Et cette institutrice ajoutait « Vous pouvez certes imaginer que ces effets moraux du chômage sont plus grands que les effets financiers qui sont assez grands. » Voilà, donc c'est tout un peuple qui non seulement fait face des dizaines de millions de personnes qui font face à la pauvreté, mais qui n'ont aucun espoir, plus aucun espoir. Et ça, c'est très important. Et cette crise économique génère à son tour une crise morale d'une ampleur incroyable. Je conseille aux lecteurs la lecture d'un livre, s'ils peuvent se le trouver, c'est le livre d'Ambroise Goth. Ambroise Goth, c'était un Français qui, en 1919, avait été militaire en Allemagne, chargé de toute la surveillance pour le traité de Versailles, etc., etc. Et en 1921, il a écrit un livre qui s'appelle « L'Allemagne de la débâcle ». J'en ai cité un chapitre entier dans mon livre « Hitler, homme de la Providence ». Eh bien, il raconte la déchéance morale dans les villes. Mais on s'aperçoit qu'on n'a rien inventé aujourd'hui. Rien. À part qu'aujourd'hui, ça arrive directement chez vous via Internet ou via la télévision. Mais je vais vous lire un tout petit passage. Il raconte une pièce de théâtre telle qu'il en passait régulièrement à Berlin et dans les théâtres de l'Allemagne. Hein. Voilà. Alors, la pièce s'appelait « La boîte de Pandore ». Et bon, ça se passe en quelques actes, mais il résume en quelques lignes chaque acte. Je vous le lis. Au premier acte, une jeune fille devient l'amante d'un homme dont elle avait tué le père. Et au moment où il va s'emparer d'elle, elle s'écrie « Oh, et dire que c'est sur ce canapé que j'ai tué ton père !» Et le jeune homme, emballé, ne s'arrête pas pour si peu. Au deuxième acte, nous sommes à Paris, avec les deux amants et l'impresario de la belle qui partagent ses faveurs. Naturellement, nous nous trouvons au milieu d'une société corrompue où toutes les femmes sont des courtisanes. De cette façon, elle pourra commodément entretenir tout le monde. L'héroïne, une triste héroïne, essuie les propositions d'un trafiquant de blanches. Toute la famille la pousse à la prostitution. De cette façon, elle pourra commodément entretenir tout le monde. Après avoir frôlé ce danger sans y succomber, elle est en butte aux persécutions d'une lesbienne. Nous assistons également à une scène répugnante. Un vieux satyre qui hésite entre une petite fille de 12 ans et le groom de l'ascenseur. Au troisième acte, la déchéance est complète. L'héroïne se prostitue à Londres sous les yeux de son amant et de son impresario qui, désœuvré, mourant de faim, l'ont envoyée dans la rue chercher des clients qu'elle amène sur la scène. L'amant et l'impresario gisent sur un grabat et disparaissent dans une soupente quand la pratique arrive, donc quand la prostituée arrive avec des clients. Nous voyons défiler un Bernois, puis un Japonais. Ce doit être un Japonais, à en juger par sa face simiesque et ses yeux bridés, qui se livre à un âpre marchandage. L'amant révolté apparaît. Le jaune, croyant être tombé dans un guet-apens, se jette sur lui, l'étrangle et le piétine avec de hideuses contorsions. Le Japonais s'en va tranquillement, cependant que l'impresario, abruti, jette le cadavre dans la soupente et s'en va au bar étancher sa soif. Sur ces entrefaites survient la lesbienne du deuxième acte. Repoussée de nouveau, elle veut se pendre. Mais sachant que la corde se casse, elle n'y arrive pas. À ce moment-là, un colosse arrive. Il n'y a pas d'erreur, c'est Jacques l'éventreur. Et il le prouve séance tenante en éventrant la lesbienne à coups de couteau qui n'est pas un faux couteau. Au lieu d'être horrifiée, l'héroïne se sent prise d'une crise de rut pour ce monstre et l'attire dans la soupente près du cadavre encore chaud de son amant. Là, elle se donne à lui. Soudain, nous entendons des cris épouvantables, Jacques l'éventre à son tour, puis il revient posément sur la scène, relève la robe de la lesbienne, essuie son couteau, ruisselant de sang à son jupon. Le rideau tombe. Voilà un exemple de pièce qui était donnée dans l'Allemagne des années 20. Et Ambroise Goth raconte que non seulement les adultes y allaient, mais aussi il y voyait des enfants qui avaient 13-14 ans. Et il raconte tout cela dans un style qui est extraordinaire. Donc c'est vraiment une totale déchéance d'un peuple, surtout dans les villes naturellement, à laquelle est confrontée l'Allemagne. Et d'ailleurs c'est pour ça que dans Mein Kampf, Hitler, il y a des passages entiers contre la prostitution et surtout contre... Hitler craignait beaucoup la syphilis, parce qu'à l'époque, la syphilis se répandait. Donc un peuple... complètement, je veux dire, comme nous aujourd'hui finalement, on n'a pas inventé grand-chose en termes de décadence dans les spectacles. Donc je conseille la lecture du livre d'Ambroise Goth. Et alors, surtout, et ce qui est très important, c'est la troisième crise que subit l'Allemagne. Mais c'est la crise politique. Le parlementarisme, fin des années 20, début des années 30, est sur la voie de l'échec. À Nuremberg, Hermann Göring rappela qu'en 8 ans, de 1925 à 1932, il y avait eu 30 élections qui avait été organisée avec parfois jusqu'à 37 parties en lice. C'est-à-dire que il y avait une instabilité politique permanente, donc une impuissance gouvernementale, vous vous rendez compte? 30 élections en 8 ans. Donc, les gouvernements ne tiennent pas. Les gouvernements se succèdent. Rien n'est faisable. Enfin, les cabinets gouvernementaux se succèdent. En 1930, au Reichstag, il y avait 13 partis représentés dans l'hémicycle. Donc, il n'y avait aucune majorité gouvernementale possible. Alors, qu'est-ce que faisaient les gouvernements? Qu'est-ce que faisaient les gouvernements? Eh bien, ils gouvernaient par décret-loi. C'est-à-dire qu'ils utilisaient l'article 48 de la Constitution de la République de Weimar qui permettait en cas d'urgence à un gouvernement de décréter des lois sans les faire voter par le Parlement. Et donc, dès 1930, les gouvernements qui n'ont plus de majorité au Reichstag, qui est complètement éclaté entre plein de partis, eh bien vont gouverner par décret-loi. Donc c'est fini, il n'y a plus de parlementarisme. Et par exemple, je vais vous reparler d'Ambroise Goethe, parce que le 14 septembre 1930, il y a eu des nouvelles élections qui n'ont pas dégagé une majorité. Et que va écrire Ambroise Goethe? Il écrit « Comme de nouvelles élections seraient impossibles et au demeurant ne donneraient pas de résultats différents, la seule issue serait la formation d'un gouvernement de droite qui frayerait le chemin en cas de besoin à la dictature. L'Allemagne, suivant l'exemple de l'Italie, de la Hongrie, de la Yougoslavie, de la Turquie et d'autres pays, devant la carence de son Parlement, n'aurait d'autre ressource que de se donner un dictateur. Il est bien entendu que le rôle de ce dictateur ne serait pas, comme on s'imagine trop souvent à l'étranger, de déclarer sur le champ la guerre à la France. Sa première préoccupation devrait être de relever son pays, c'est-à-dire d'assainir les écuries d'Augias que sont les finances du Reich et de chercher des remèdes à l'épouvantable crise de désœuvrement que traverse le pays. Eh oui, on le voit, les esprits clairvoyants prévoyaient que l'évolution naturelle de la politique allemande mènerait à un pouvoir fort antiparlementaire dont la mission serait de redresser le pays. Et voilà pourquoi en mars 1931, le Reichstag, qui ne servait plus à rien, se met en sommeil pour une durée de 6 mois. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, pendant 6 mois, il n'y a plus de parlementarisme en Allemagne. Alors, non seulement le Reichstag va à nouveau se réveiller en août, mais il faut savoir que après cela, eh bien, il va y avoir une nouvelle ordonnance présidentielle qui, devant l'état d'urgence, va supprimer les libertés individuelles d'association et de réunion, l'inviolabilité du secret postal et du domicile, l'interdiction de la censure et la liberté d'opinion. C'est-à-dire que en septembre 1931, face à l'état d'urgence que traverse le pays, un gouvernement, je crois que c'est celui de von Papen, va émettre une ordonnance qui suspend les libertés individuelles. Et donc, nous sommes, à l'époque, d'ailleurs, la presse française titrait tout le temps « la dictature en Allemagne ». Et c'est ça qui va se passer de plus en plus. D'ailleurs, après cette ordonnance, un article va écrire « succédant immédiatement à la mise en vacances du Reichstag pour une durée de 6 mois, donc supplémentaire, une ordonnance présidentielle aussitôt entrée en vigueur a suspendu les droits constitutionnels prévus par l'article 48 et qui sont notamment la liberté individuelle d'association et de réunion, l'inviolabilité du secret postal et du domicile, l'interdiction de la censure, la liberté d'opinion. Privée de son Parlement et soumise à ce nouveau régime à contrôle étroit, l'Allemagne est retombée sous une dictature ou tout au moins sous une semi-dictature. La situation intérieure exigeait-elle des mesures aussi radicales? Il est permis d'en douter. » Et le journaliste analyse. Il faut chercher une autre explication donc à cette nouvelle ordonnance qui restreint les libertés. On remarquera que le président et son chancelier se sont soigneusement gardés de soumettre au Reichstag, tant qu'il siégeait encore, leur projet d'ordonnance. Ils ont préféré attendre que l'Assemblée eût été mise en vacances par eux et placer ainsi le pays et la représentation nationale devant le fait accompli. Donc on dit, voilà, il n'y a plus de parlement, il n'y a plus de libertés individuelles, c'est comme ça et c'est pas autrement. Nous sommes en 1931. Hein, on n'est pas, c'est pas après Hitler, ça. Hein. Et le journaliste continue. Or, ce fait accompli est directement contraire à l'exercice du régime démocratique, parlementaire et républicain. L'événement n'est pas seulement considérable par sa portée pratique, puisqu'il équivaut en fait à décréter l'état de siège et à supprimer la liberté de pensée, d'expression et de réunion. Je rappelle, nous sommes en 1931. Hein. Il est grave aussi, surtout pour la mentalité, par la mentalité qu'il relève. Une nouvelle période s'ouvre, dans laquelle on voit reparaître l'ancien état autoritaire bismarckien. Le plus étrange, et cette phrase est importante, c'est que les socialistes ne trouvent rien à redire au véritable coup de force qui vient d'être entrepris contre le régime républicain. Une fois de plus, on doit constater l'attitude exemplaire de la social-démocratie qui a totalement capitulé devant le gouvernement sans obtenir le moindre avantage en contrepartie. Donc nous sommes en 1931 et on le voit. 1. L'Allemagne se dirige à grands pas vers un gouvernement fort. Et 2. Les partis d'opposition ne réagissent plus. Parce qu'il y a une faiblesse maintenant dans la social-démocratie. Il voit bien que la République de Weimar est en total échec. Et en octobre 1931, le Reichstag accepte de se mettre à nouveau en sommeil jusqu'au 23 février 1932. Et à cette occasion, d'ailleurs, un grand quotidien français parle d'un Reichstag croupion qui masque à peine la dictature en Allemagne. Et voilà, le régime parlementaire est mort. Il est mort, c'est fini. Il n'y a plus qu'à l'enterrer. Et le 13 septembre donc 1931, le Reichstag qui avait été le 13 septembre 1932, pardon, le Reichstag qui avait été élu le 31 est à nouveau dissous. Et dans un discours radio diffusé à la nation, le chef du gouvernement, qui était à nouveau Fritz von Papen, il explique que ses ministres souhaitent agir pendant un an sans être gênés par les parlementaires. Et il va voilà ce que va dire Fritz von Papen. Toutes les mesures qui font l'objet des décrets-lois, c'est-à-dire des lois prises en dehors du Parlement, hein, toutes les mesures qui font l'objet des décrets-lois de, et des 4 ou 5 derniers mois sont prévues pour une période transitoire de 12 mois. L'avenir de notre vie économique et par là de notre État se décidera devant cette période. Donc, Papen dit bien, nous avons pris des décrets-lois pour les 12 mois à venir. Donc c'est fini. Il n'y a plus de parlementarisme depuis bien longtemps. Il n'y a plus de république, il n'y a plus rien. Il y a des gouvernements autoritaires qui disent on doit pouvoir gérer le pays sans être gêné par l'opposition, parce que ce n'est plus possible. Et Fritz von Papen conclut son allocution qu'il va prononcer pour la nation. Le système de la démocratie formelle a fait faillite aux yeux de l'histoire et de la nation allemande. Il n'est plus possible de le ranimer. Seule l'institution d'un gouvernement véritablement impartial et national peut nous dégager de la décomposition actuelle de l'État et nous conduire à un avenir normal et riche de promesses. Il faut que ce gouvernement se maintienne au-dessus des partis et soit, à ce titre, un foyer de justice qui s'appuie sur la force et l'autorité du président du Reich élu par le peuple. Et voilà. Voilà ce que dit von Papen en septembre 1932. Alors, à cette époque, on pensait encore en Allemagne qu'on réaliserait ça sans Hitler. Eh ouais. Mais, ce qui est très intéressant, c'est que si les principes démocratiques avaient été respectés en Allemagne, ou avaient été vraiment en place, mais ce n'est pas en 1933 qu'Hitler serait arrivé au pouvoir, mais fin 1931 ou début 1932. Et à Nuremberg, Hermann Göring, face à ses juges, l'a rappelé. Voilà ce qu'il a dit. Il a dit « La seule chose que je voudrais tout particulièrement souligner en ce qui concerne la légalité de notre prise du pouvoir est la suivante. Si en Allemagne, le système démocratique des élections anglaises ou américaines avait été en vigueur, le Parti national-socialiste allemand aurait déjà obtenu, sans exception, tous les sièges au Reichstag dès 1931 déjà ou au plus tard en début 1932, car le Parti national-socialiste était le plus fort. » C'est-à-dire que d'après le système des élections anglaises et américaines, tous les autres partis plus faibles, auraient été balayés et nous n'aurions eu exclusivement à partir de ce moment que des nationaux socialistes dans le Reich, d'une façon parfaitement légale, en vertu des principes démocratiques des deux plus grandes démocraties. Voilà ce qu'a rappelé Hermann Göring à Nuremberg. Donc au départ, on pensait pouvoir le faire sans les nationaux-socialistes. C'est-à-dire que pendant des mois et des mois, alors qu'Hitler aurait dû être appelé comme chancelier, on ne l'a pas voulu. Bon, mais ce qui s'est passé, c'est quand même fin 1932, il y a eu le gouvernement de von Schleicher qui a échoué, Papen a essayé, etc. Et puis début janvier 1933, eh bien, il a fallu songer à quand même à mettre Hitler au pouvoir. Et c'est très intéressant parce que le 28 janvier 1933, c'est-à-dire deux jours avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir, qu'est-ce que va écrire en France le Petit Parisien sous la plume de quelqu'un qui n'était pas du tout favorable à Hitler? Ce journaliste écrit « Des efforts concentriques sont exercés pour convaincre le chef de l'État de franchir le Rubicon et l'inviter à liquider le système parlementaire actuel et à en créer un nouveau, en réalité, pour l'entraîner d'abord à favoriser l'établissement d'une dictature nationaliste, plus ou moins panachée de nazisme, mais qui anéantirait dans le moindre temps ce qui reste de l'œuvre de Weimar. Hindenburg, lié par son serment de fidélité à la Constitution, se trouve donc à la croisée des chemins. Le chef de l'État peut légitimement se demander s'il doit demeurer l'esclave de la lettre de la Constitution qui ne fonctionne plus, ou s'il ne doit pas plutôt oser recourir à une initiative extra-constitutionnelle, nouvelle loi électorale par décret, qui remettrait en mouvement la machine parlementaire en panne. » Voilà. Donc le 28 janvier 1933, le parlementarisme est donc définitivement mort avec la Constitution qui ne fonctionne plus, qui ne sert plus à rien. Voilà les conditions dans lesquelles Adolf Hitler arrive au pouvoir. Donc quand on dit « Oh, il a supprimé la République de Weimar, il a instauré une dictature », mais pas du tout. Ça fait longtemps que l'Allemagne était dans un état de dictature. Or justement, c'est toujours la façon dont les vainqueurs écrivent l'histoire. C'est ce qu'ils ont fait à Nuremberg. À Nuremberg, ils disent « Le procès commence le 30 janvier 1933 ». Et lorsque la défense dit « Attendez, mais ouais, mais s'il y a le 30 janvier 1933, c'est qu'il y a peut-être eu des choses avant, c'est qu'il y a peut-être eu le traité de Versailles, c'est qu'il y a peut-être eu la crise économique. Ah non, ça on ne veut pas en entendre parler. Non, non, le procès commence le 30 janvier 1933. Il ne commence pas avant. Eh bien, c'est toujours comme ça que les vainqueurs écrivent l'histoire. Les vainqueurs, ils commencent à nous dire « Voilà, le 30 janvier 1933, Hitler arrive au pouvoir, c'est la dictature. » Ah non, pardonnez-moi. Regardons un peu avant, comme disait Bardèche, allumons les lampes et dévisageons un peu la scène là qui reste dans le noir. Là. Éclairons-la un peu, cette scène-là, là, que vous laissez dans le noir prudemment. Et c'est ça qui est important. D'ailleurs, lorsque Hitler arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'il annonce? Il annonce clairement qu'il va en finir avec le parlementarisme, de toute façon, qui est déjà mort. Il va dire, peuple, donne-nous 4 ans. Donc il va dire, cette fois, ça y est, on veut travailler pendant 4 ans. Mais Hitler ne veut pas instaurer de dictature pour autant, parce que le 2 février 1933, donc 3 jours après son arrivée au pouvoir, il dévoile ses objectifs devant un petit comité de collaborateurs. Eh bien, à ce petit comité, il y avait le grand amiral Raeder. Il assistait à la conversation. Eh bien, plus tard, il témoigna ainsi. Dans son discours, Hitler parla tout d'abord de sa carrière et expliqua ensuite ses visées sociales et nationales. Il déclara qu'il voulait mettre le Reich allemand sur un pied d'égalité avec les autres nations et affirma qu'il essaierait de débarrasser le pays des chaînes du traité de Versailles et de rendre à l'Allemagne sa souveraineté intérieure. Il parla en outre de ses buts sociaux, établissement d'une communauté réelle au sein du peuple, élévation du niveau de vie des travailleurs, assistance aux paysans, développement de l'agriculture, instauration du service du travail et élimination du chômage. Or, pour faire cela, à aucun moment Hitler dit je vais instaurer une dictature. Bien au contraire, qu'est-ce qu'il fait? Il dissout le Reichstag, puisque il dit maintenant il y a un nouveau gouvernement, c'était comme ça qu'on faisait, et il va réorganiser des élections pour le 5 mars 1933. Et ça, c'est très important, et notamment pour les jeunes qui comprennent pas toujours ce qui se passe, parce qu'on leur a pas tout dit. Donc Hitler arrive au pouvoir le 30 janvier 1933, il dit attention, on veut 4 ans. 4 ans sans être gêné. 4 ans, c'est nous qui allons gouverner. C'est nous qui aurons les points de pouvoir et on va gouverner. Et à ce moment-là, il dissout le Reichstag et il organise des élections pour le 5 mars. Eh bien, ces élections, elles vont être libres. Et qu'est-ce qui le démontre? Mais c'est les résultats. les nationaux-socialistes n'obtiennent pas 98% comme en Russie, comme en URSS. Non, ils obtiennent 44% des voix. Les sociaux-démocrates, 18%, et les communistes. Les communistes. Parce que même si les chefs communistes ont été emprisonnés, tous ceux qui ne sont pas impliqués ou qui ne sont pas soupçonnés sont en liberté, ils se sont présentés aux élections. Eh bien, les communistes obtiennent encore 12%. Et aux élections précédentes, je crois qu'ils ont obtenu 16%. Donc, ils ne baissent que 4%. Donc, les élections sont totalement libres. Et le Parti National Socialiste obtient 44% des voix. Et c'est pour ça qu'il devra s'allier avec notamment les casques d'acier, etc., pour arriver à une majorité de 51%. Mais une fois donc, que ces élections sont faites avec le jeu de la majorité, Hitler obtient la majorité présidentielle. Donc il n'a pas besoin d'instaurer de dictature. Et c'est si vrai que le 6 mars 1933, l'Écho de Paris, un journal parisien violemment anti-hitlérien, l'Écho de Paris écrit « Adolf Hitler, depuis son avènement à la chancellerie, le 30 janvier, a souvent répété que même vaincu sur le champ électoral, il n'abandonnerait pas les leviers de commande. Les électeurs allemands l'ont dispensé hier d'avoir à violer ouvertement la constitution de Weimar. De la même façon que Mussolini dans les premières années du fascisme, le Führer est plébiscité. Maintenant, il ne lui reste plus qu'à installer la dictature du Parti national-socialiste dans les formes de Weimar qui, depuis 2 ans, sont devenues remarquablement élastiques. » Ben oui, depuis 2 ans, tout le monde fonctionne à la dictature, plus ou moins en conformité avec Weimar. Bon bah, ce journaliste, c'était Pertinax, hein, donc violemment anti-hitlérien, va dire, bon bah voilà, ouais, bah, Hitler va faire pareil maintenant. Il va continuer dans la voie. Et le 20 mars, la loi des pleins pouvoirs est votée. Tout simplement, Hitler l'avait annoncé. On veut gouverner 4 ans sans être dérangé. On veut avoir les pleins pouvoirs pendant 4 ans. Et bien le 20 mars, la loi des pleins pouvoirs est votée. Et à Nuremberg, qu'est-ce que va dire Fritz von Papen? Il va dire que cette loi était née de la nécessité d'obtenir un laps de temps sans trouble pour la réalisation des mesures économiques. De son côté, d'ailleurs, le chef de la chancellerie du Reich, c'était Hans Lammers, qui était un spécialiste du droit constitutionnel, a bien précisé que l'arrivée au pouvoir d'Hitler et la loi des pleins pouvoirs était parfaitement constitutionnelle. Il n'y avait aucun problème. Et il a dit d'ailleurs à Nuremberg que la concentration des pouvoirs aux seules mains d'Hitler se fit de façon absolument légale. Ça a été ses mots. Voilà. Donc, quand on dit Hitler instaure une dictature, c'est faux. C'est faux. Hitler n'est que la conséquence logique d'une orientation dans laquelle l'Allemagne, que l'Allemagne avait prise, alors qu'Hitler n'était pas au pouvoir. C'était d'autres politiciens. C'est eux qui ont mis l'Allemagne sur cette voie-là, et c'est surtout la situation, la crise économique, la crise morale et la crise politique qui ont fait que on n'a pas pu faire autrement. Donc, il n'y a pas une rupture soudainement le 30 janvier 1933. Il n'y a qu'une continuité d'un mouvement, d'un pays qui se décompose et d'un système politique, d'une république, celle de Weimar, qui se décompose. Voilà. Et il y a une autre accusation que l'on fait souvent, c'est qu'on dit « Ah, mais Hitler, il a supprimé les libertés individuelles. » On a vu que c'était faux. Ça fait bien longtemps qu'il y avait des ordonnances contre ça, bien depuis 1931. Mais surtout, on va dire par exemple « Ah, il a supprimé le syndicalisme. » Mais là encore, il n'a pas eu besoin de supprimer le syndicalisme. Et je conseille la lecture d'un article écrit par un syndicaliste français, quelqu'un de gauche, qui a été publié, je l'ai publié quasi intégralement cet article d'ailleurs, qui a été publié dans Esprit, le 1er juin 1933. Donc c'est le reportage d'un syndicaliste français qui revenait d'Allemagne. Et dépité, voici ce qu'il racontait. Ce qui m'a le plus attristé en Allemagne, c'était le village des quartiers ouvriers de Berlin. Et ça confirme l'article que Gandalf a lu tout à l'heure. Donc, il dit, donc ce qui m'a le plus attristé, c'est donc le visage des quartiers de Berlin. Partout des drapeaux à croix gammées. Dans la rue, que d'insignes fascistes portés par des ouvriers. Parfois même, on reconnaît chez eux la casquette que portaient les jeunesses communistes, les chemises noires des gardes antifascistes. On s'arrête. On voudrait parler à ces jeunes. On en connaissait il y a 2 ans. Mais tout d'un coup, on se rappelle que dans certains quartiers de Berlin, 50 à 60% des jeunesses communistes sont passées aux jeunesses hitlériennes. On ne sait pas si le camarade d'hier n'est pas aujourd'hui un ennemi. Il n'est pas étonnant que dans ces conditions, l'appareil du parti soit décimé, parfois complètement détruit, qu'il soit presque impossible de tenir une imprimerie illégale plus de 15 jours. Chaque jour apporte la nouvelle d'une liaison qui saute et qu'il est souvent impossible de renouer. Donc, avant même qu'un semestre ne se fût passé, puisque cet article date de juin 1933, avant même un semestre d'Hitler au pouvoir, les premiers résultats de sa politique avaient conquis de nombreux anciens opposants, même parmi les plus déterminés. Et c'est ça qui est très important. Et à Nuremberg, l'accusé Fritz Zaokel, qui sera donc responsable plénipotentiaire à la main-d'œuvre pendant la guerre, et qui avait été, je crois qu'il avait été le préfet de district de Thuringe pendant la période 33-39, et bien Fritz Zaokel déclara « L'activité centrale du parti, après la prise du pouvoir, était le recrutement. Notre travail le plus intensif consistait à gagner à nous les adversaires politiques. Je suis très fier du fait que, dans mon district, de très nombreux ouvriers, anciens communistes ou sociodémocrates, aient été gagnés par nous et soient devenus chefs de groupes locaux ou fonctionnaires du parti. » Eh oui, l'état de l'Allemagne en 1933, depuis 32-31, était tel que Hitler, en fait, il n'a pas rencontré d'adversaire résolu. C'est ça, et c'est très important. Et le syndicaliste que j'ai cité tout à l'heure dans la revue Esprit, voilà ce qu'il disait. Hitler n'a pas vraiment rencontré d'adversaire réel. Ses succès reposent surtout sur la faiblesse de ceux qui disaient vouloir le combattre. Et voilà. Donc, il n'y a pas eu de terreur national-socialiste. Pas besoin. Et c'est ça qui est très très important. Alors on va me dire, oui, mais Hitler, il a quand même ouvert les camps de concentration dès son arrivée au pouvoir. Alors, j'ai écrit un livre sur la question qui est en vente dans la boutique, qui est rouverte d'ailleurs, notre boutique sur le blog Sans Concession, elle a rouvert avec tous les livres en stock. Donc j'ai écrit un livre qui s'appelle donc Dictature nazie, entre guillemets, et camps de concentration, plaidoyer pour Hitler. Alors aujourd'hui, on dit toujours, oh, Hitler, ouais, l'incendie du Reichstag, c'était un coup monté contre les communistes. Mais attendez. Alors, lorsque Hitler est arrivé au pouvoir, vous croyez que les communistes sont restés comme ça, sans réagir du tout? Vous croyez que du jour au lendemain, après toutes les bagarres de rue qu'il y a eu, je vous rappelle, à peu près, il y a eu 200 morts chez les nationaux-socialistes, dans les années qui ont précédé l'avènement, eh bien, vous croyez que dans les 24 heures, tout s'est arrêté? Mais pas du tout. Parce que les communistes le savaient, que si Hitler se maintenait au pouvoir, eux, ils n'auraient plus d'espoir de faire leur révolution mondiale par le biais de l'Allemagne. Alors, dans les premiers temps, les communistes ont tenté de fomenter un soulèvement. Et on le sait, mais on le sait par l'Humanité, le journal L'Humanité. C'est très très intéressant, encore une fois. Il faut lire la presse de l'époque, est passionnante quand on la lit. Je veux dire, et elle n'est pas à cacher. C'est, ce que je vais vous citer, c'est l'Humanité. Alors, je pense que c'est l'Humanité, si je ne me trompe pas. C'est l'Humanité du 31 janvier 33. Ah oui, c'est le lendemain de l'accession au pouvoir d'Hitler. L'Humanité, eh bien, elle cite le mot d'ordre des communistes en Allemagne. Et ben voilà le mot d'ordre, je vous le lis, ça prend quelques lignes. Le régime de terreur sanglant du fascisme est érigé en Allemagne. Masses ouvrières, ne permettez pas que les ennemis mortels du peuple allemand, que les ennemis mortels des ouvriers et des paysans pauvres, des masses travailleuses des villes et des champs, accomplissent leurs crimes. Dressez-vous contre ces attaques et contre la terreur de la contre-révolution fasciste. Défendez-vous contre la réaction sans borne de la dictature fasciste. Descendez dans la rue. Arrêtez le travail dans les usines. Répondez immédiatement par la grève, par les grèves de masse, par la grève générale, à l'attaque des chiens sanglants fascistes. Ouvriers, ouvrières, jeunes ouvriers, dressez-vous dans toutes les entreprises, dans tous les syndicats, dans toutes les organisations ouvrières, dans tous les bureaux de placement, en faveur de la grève générale contre la dictature fasciste. Décidez partout la cessation du travail. Organisez partout des démonstrations de masse et élisez des comités d'unité et des comités de grève. Organisez la lutte. Nous sommes dans un pays qui est au bord de l'asphyxie, même il est trois quarts asphyxié. Un gouvernement arrive au pouvoir qui veut travailler tranquillement et voilà les mots d'ordre des communistes. Ben, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On décrète l'état d'urgence et on arrête les chefs communistes. Ben, c'est tout à fait normal. Alors on va me dire, ah ben oui, mais ça... Mais et qu'est-ce qu'a fait la Révolution? Qu'est-ce qu'a fait la Révolution française? Alors ça, c'est pareil, comme un exemple de deux poids, deux mesures, il n'y a pas mieux. Je veux dire, on dit, ah, la Révolution nationale-socialiste, mais attendez, et la Révolution française? Il faut lire les mémoires de Barrère. C'est très intéressant en deux tomes. C'est celui qui a fait le comité de salut public sous la Révolution. Ah ben, il explique, il dit, mais de toute façon, il y avait la guerre à l'extérieur, on était menacés de l'extérieur, il y avait la guerre à l'intérieur. Regardez, encore une fois, il faut reprendre des exemples antérieurs. La Révolution française, bon, quand elle se met en place, elle est fragile, contrairement à ce que l'on peut croire encore. Qu'est-ce qui se passe? La Vendée se révolte. Il n'y a pas que la Vendée, d'ailleurs, hein, mais il y a Lyon. La Vendée se révolte. La Révolution française est là, elle est menacée de l'extérieur par l'Autriche, aussi peut-être un peu par l'Angleterre. La Vendée se révolte. Qu'est-ce que fait la Révolution française? Attention, je n'approuve pas, c'est pas ça le problème. Hein. C'est que, eh bien, elle envoie les colonnes infernales en Vendée. Les colonnes infernales? Eh bien, c'était vraiment des colonnes infernales. Je veux dire, on massacre. C'est-à-dire, qu'est-ce que dit la Révolution? Très simple. La Vendée s'est révoltée. Qu'est-ce qu'il va falloir? Les Vendéens ont ordre de quitter le territoire. Ils vont être mis dans des espèces de camps, d'ailleurs, enfin des espèces de centres de rassemblement. Toutes les gens qui resteront dans le territoire de la Vendée seront considérés, comme on l'appelait dans le temps, comme des brigands et seront poursuivis sans merci. Et on envoie les colonnes infernales. Si Hitler avait fait ça, si à partir du 2 février 1933, Hitler avait envoyé des colonnes infernales dans les villes rouges, ah ben ça, on en entendrait parler aujourd'hui. Mais la Révolution, elle peut. Ah non, ça c'est... Ah oui, c'est la Vendée, oh bah oui, c'est triste, oui, c'est tout. Et puis, ça passe en perte et profit. Non. La Révolution nationale-socialiste a été une révolution très, très pacifique. On a arrêté les chefs communistes parce qu'on craignait. On craignait les désordres. Il y avait plein de désordres. Je vous rappelle que le 30 janvier, au soir, il y a eu un assassinat d'un premier gendarme et un assassinat d'un responsable national-socialiste et des sections d'assaut. S'ils avaient laissé, ils ne pouvaient pas laisser faire ça. Ils disaient, attendez quoi, on commence à tuer nos hommes maintenant? Donc voilà. Et c'est pour ça que quand on dit 30 janvier 1933, établissement de la dictature, mais c'est faux, c'est entièrement faux. Il suffit de replacer dans le contexte et de voir comment l'état de l'Allemagne pour comprendre que ce qu'a fait Hitler, la suspension des libertés publiques, mais c'était normal, n'importe quel gouvernement révolutionnaire ferait cela, et Hitler l'a fait de façon on ne peut plus douce par rapport à ce qu'il aurait pu faire. D'ailleurs, lorsque Thälmann a été arrêté, et qu'il a été mis dans les concentrations, c'était un des chefs communistes, Göring l'a fait venir dans son bureau. Et il lui a dit, Thälmann, bon, je vous ai fait arrêter, c'est vrai, est-ce que vous avez à vous plaindre de votre traitement? Thälmann a dit non, c'est bon, ça va. Et il a dit, Thälmann, si c'était vous qui étiez au pouvoir, vous m'auriez fait couper la tête, n'est-ce pas? Et Thälmann a eu l'honnêteté de lui répondre, oui, certainement. Voilà. Et ça aussi, Göring l'a rappelé à Nuremberg. Donc voilà. Voilà pourquoi il est très important de comprendre l'état de l'Allemagne. Quand on ne comprend pas l'état de l'Allemagne, on ne peut pas comprendre l'action d'Adolf Hitler. Et voilà pourquoi j'ai écrit justement, hein, dictature nazie et contre... Enfin, entre guillemets, hein. Il faut faire ce plaidoyer qui manque. Et c'est toujours la même chose. Hein. C'est toujours la même chose. C'est la même chose, et j'en aurais terminé, avec le maréchal Pétain. Le maréchal Pétain, on dit toujours, ah, il a renversé la République. Ah oui, il a fait l'État français à la place, patati patata et nanani et nanana. Mais le maréchal Pétain n'a pas renversé la République. Pourquoi? Parce que la République était déjà morte. Quand il est arrivé au pouvoir en juin et quand on lui a donné les pleins pouvoirs le 10 juillet 1940, mais la République était déjà morte. Elle avait été violée et assassinée par les républicains eux-mêmes. Et quand? Mais on a même la date. C'est le 3 septembre 1939. Car je vous rappelle que, 3 septembre 1939, la France se déclare en état de guerre avec l'Allemagne. Formule un peu bizarre. Mais en fait, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, la France déclare la guerre à l'Allemagne. Mais il y avait quelque chose de très clair. Il y avait quelque chose de très clair à l'époque. C'est que la Constitution française à l'époque, Elle disait, il y avait un article très important, c'était l'article 9. La guerre ne pouvait pas être déclarée sans l'assentiment, veuillez m'excuser, sans l'assentiment des chambres. C'est-à-dire que pour déclarer la guerre, les chambres, le gouvernement devait obtenir un vote des deux assemblées, la Chambre des députés et le Sénat. Eh bien, entre le 1er et le 3 septembre 1939, nos gouvernants n'ont pas cessé de faire des manœuvres pour ne pas obtenir, pour ne pas passer par le vote. C'est-à-dire qu'ils ont fait une tromperie colossale. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout simplement fait voter aux parlementaires les crédits militaires. Et une fois que les crédits militaires ont été votés, ils ont considéré que c'était un vote de la guerre. Mais c'était faux. C'était faux. C'est-à-dire que en septembre 1939, le 3 septembre 1939, il y a eu un coup d'État. On a violé la Constitution pour quelque chose de très grave, pour déclarer la guerre à un pays. C'est-à-dire que le 3 septembre 1939, la République est morte. Elle est morte, violée et assassinée au coin du bois par les propres républicains. À partir du 3 septembre 1939, il n'y avait plus de République. Donc, n'allez pas dire que le maréchal Pétain a renversé la République. Ce sont les républicains eux-mêmes qui l'ont fait. Alors, il faut peut-être remettre tout ça un peu en place. Parce que, voilà, on n'arrête pas de nous dire les méchants fachos, les méchants fachos. Eh bien, non, c'est toujours les républicains qui violent en premier. Voilà, mais j'ai peut-être été un peu long, je m'en excuse, mais c'était un peu pour replacer tout ça et pour dire ce que, pour moi, évoque, le, dans un premier temps, le 30 janvier 1933. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, c'est très éclairant. Ça permet de mettre en perspective ce jour fatidique. Et comme tu le dis bien, je ne vais pas répéter ce que tu as dit, tu l'as très bien expliqué, mais ça permet de démontrer que il y a une légende noire sur l'accession d'Adolf Hitler au pouvoir et sur les mesures d'exception qu'il aurait prises, et en réalité, comme tu l'as bien expliqué, qui avait déjà été longuement impliqué par un régime non plus à l'agonie, mais un régime qui avait déjà trépassé en réalité. Donc, dans l'article que j'ai cité, à un moment donné, vous savez, il y a plusieurs mentions du fait qu'Adolf Hitler se rend à Berlin pour prendre la parole. Et les chiffres, c'est le Spiegel qui parle, hein, c'est un article du Spiegel, c'est pas un article à la gloire du national-socialisme. Hein, mais le Spiegel reconnaît que quand Adolf Hitler se rend dans la capitale, au tout début des années 30, 31, 32, ce sont des centaines de milliers de Berlinois qui se ruent à l'endroit où il doit s'exprimer. Alors, comparons aujourd'hui, et je trouve que quand tu as, quand tu as parlé des mesures de plus en plus autoritaires adoptées par cette République de Weimar mourante, j'ai pas pu m'empêcher de penser à toutes les mesures qu'ils sont en train de prendre à l'échelle de l'Occident aujourd'hui avec l'imposture sanitaire, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais j'ai pas pu m'empêcher d'y voir une très forte ressemblance. Et donc, quand on voit cette affluence énorme pour un homme, on voit que des gens attendent, espèrent. D'accord ? Parce qu'un homme combattu par le système de l'époque ne peut pas drainer comme ça 100 000, 200 000 personnes qui veulent simplement l'entendre parler. Aujourd'hui, regardons les politiciens. Ils peuvent même pas remplir une salle avec 500 personnes. Il n'y a aucun politicien qui suscite l'enthousiasme comme ça aujourd'hui en Europe. Un peu, Trump, à sa façon, a pu faire des grands meetings parce qu'il a aussi, mais je ne juge pas sa politique, je ne suis pas là non plus pour en parler, mais parce qu'il a appelé directement, il a cherché à s'emparer du sentiment populaire et il a réussi à le faire. Et on voit que ça fonctionne tout de suite. Donc, dans cet état de décomposition, moi, ce que je retiens du 30 janvier, en fait, c'est, je crois que le sentiment général, ça a été un sentiment de libération. Erst einmal in der Geschichte unseres Volkes wird ein Reich gebaut auf Grund des Willens des Volkes selbst. Ich will dabei in Zukunft nichts anderes sein, als was ich in der Vergangenheit war. Warner meines Volkes, Lehrer meines Volkes und der Führer meines Volkes. Wir sind doch wieder ein so anständiges Volk geworden. Wir sind doch jetzt wieder ein so fleißiges und tatkräftiges Volk geworden. Was schaffen wir jetzt nicht wieder in Deutschland? Was haben wir nicht für Aufgaben? Man hat uns die ganzen Jahre schon eingeredet, dass der Deutsche sowieso nicht ganz gleichmütig sei den anderen Völkern in der Welt. Il y a eu beaucoup de gens qui ont dû être attentistes, mais il y a tous les gens qui ont, à l'annonce de l'accession d'Adolf Hitler à la chancellerie, ont vu ça comme une véritable libération, la libération en fait de ce régime impossible, de partis corrompus, de cliques politiques qui prenaient en otage une nation entière, alors que, comme tu l'as bien dit, l'économie est en train de se dissoudre totalement, des cordes de chômeurs, comme tu l'as très bien décrit, qui sont là, qui meurent de faim, certains se suicident, etc. Et il n'y a pas de solution. Les politiciens sont en train de se chamailler pour s'en mettre encore plus dans les poches. Et là, intervient Adolf Hitler, la mécanique se lance, et là, il y a un sentiment de libération phénoménale qui souffle sur l'Allemagne, et cette énergie ne disparaîtra pas par la suite. Elle ne fera que croître. Et c'est là aussi que... Dans ton propos, quand tu bats en brèche le mythe, finalement, du dictateur solitaire, c'est impossible. C'est impossible. Hitler a été la véritable voix d'une nation qui se ressaisit au bord de l'abîme. Il a incarné l'Allemagne. Il a incarné l'Allemagne. Et c'est pour ça qu'il a tenu. C'est parce qu'il l'a incarné. Je suis totalement d'accord avec ça. Et on ne peut pas le souligner assez, quoi. Donc, en tout cas, je trouve que le panorama que tu as fait est très pertinent. On a pu voir un petit peu l'environnement qui est trop peu décrit. Maintenant, je vais poser la question aux participants. Enfin, je vais solliciter les participants avant qu'on fasse une petite pause et ensuite qu'on passe aux questions qui sont adressées par nos éditeurs à Vincent. De l'exposé de Vincent, éventuellement des éléments que j'ai pu citer, qu'est-ce que vous en retenez? Qu'est-ce que vous voulez dire à Vincent à ce sujet-là? Lui poser une question, voilà, sur tout ce moment-là. Qui voudrait commencer? Si quelqu'un a une question, peut-être pas nécessairement, mais peut-être que quelqu'un en a. Oui, moi j'ai une question, monsieur Renoir. Est-ce que vous pensez qu'une prise de pouvoir national-socialiste est à nouveau réalisable dans notre siècle? Si oui, comment? Oui. Alors, eh bien pour moi, voilà, c'est les leçons du 30 janvier 33. C'est que ça prouve bien que un peuple n'est jamais si déchu qu'il ne puisse se relever. Alors, par contre, aujourd'hui, il y a une donne. Il y a une donne, en effet, c'est la donne raciale. Le peuple allemand était peut-être très déchu, mais il restait quand même foncièrement blanc. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc ça rend l'affaire un peu plus délicate. Bon. Mais je suis toujours habitué à dire, en 1927, qui aurait pu prévoir l'état de l'Allemagne en 37, et en 1937, qui aurait pu prévoir l'état de l'Allemagne en 47. C'est-à-dire que l'histoire, c'est toujours le théâtre de l'imprévu. On ne peut jamais prévoir ce qu'il va se passer. Alors, aujourd'hui, une prise d'un pouvoir national est-elle possible? Je dirais que pour moi, mais alors attention, hein, là je ne suis pas un analyste politique hors pair, et c'est que mon point de vue personnel. Pour moi, une prise du pouvoir nationaliste, national-socialiste, ne pourrait être envisageable que dans le cadre d'un effondrement total du système. C'est-à-dire que je le répète toujours, hein, tant que les supermarchés sont pleins et que les pompes à essence sont pleines et que les portables fonctionnent, il n'y a rien à respirer. Puis en plus, il faut quand même voir que s'il y avait une prise de pouvoir dans un seul pays, Il y aurait rapidement un boycott, il y aurait beaucoup de choses qui pourraient être assez délicates à gérer, surtout dans un pays européen. Parce que je vous rappelle que, après la victoire de 45, comme disait Bardèche dans Nuremberg ou la Terre promise, le monde est démocratique à perpétuité. Il est démocratique par décision de justice. Et la démocratie par décision de justice, elle est inscrite dans la Convention européenne des droits de l'homme et aussi dans la Convention de sauvegarde, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, c'est l'article 17. Et je crois que dans la Déclaration universelle, c'est l'article 48, mais ce sera vérifié. Mais dans la Convention européenne, c'est l'article 17. C'est l'article qu'on appelle l'abus de droit. L'article dit en fait que aucun des droits protégés par la Convention ne peut signifier pour un État, un groupe ou un individu le fait de se livrer à des activités qui vont à l'encontre des droits de l'homme. C'est dit comme ça. Enfin, c'est une paraphrase que je fais, mais c'est ça. Sous-entendu, vous ne pouvez pas invoquer les droits de l'homme contre les droits de l'homme. C'est pas possible. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que s'il y avait un pouvoir qui arrivait et qui disait, voilà, nous, on répudie la notion de démocratie, on répudie la notion d'égalité entre les citoyens, on répudie... Ah ben non. Non, non, non, non. Il est illégal. Et la communauté internationale aurait le droit, dans les faits, elle aurait le droit déjà de faire le boycott, de faire toutes les rétorsions possibles, et voire de faire la guerre. Voilà. Et c'est ça le problème. Et je me rappelle très bien que lorsque, pour les plus jeunes, ça ne vous dira rien, mais lorsque Haider, en Autriche, est arrivé au pouvoir, c'était le chef du FPO. Donc c'était un parti qu'on considérait comme d'extrême droite. Lorsque Haider est arrivé au pouvoir, il y a eu une analyse d'un professeur belge de droit qui était passionnante et qui disait, attention, l'extrême droite, elle est contre la démocratie. Donc, même si Haider arrive au pouvoir avec 99%, l'élection ne serait pas démocratique. C'était ça sa conclusion. Même s'il arrive au pouvoir avec 89% des voix, ce ne serait pas démocratique. Pourquoi? Parce qu'il est contre la démocratie. Ça signifie quoi? Ça signifie que pour protéger la démocratie, je peux aller à l'encontre de la démocratie. Parce que la démocratie est supérieure au vote des votants. Nous sommes dans une logique complètement folle, mais c'est leur logique. C'est leur logique et on l'a bien vu. Encore une fois, pour les plus jeunes, ça ne dira pas grand-chose. Le 21 avril 2002, lorsque Jean-Marie Le Pen s'est hissé au deuxième tour de l'élection présidentielle, j'ai consacré tout un livre à cette question, un livre de, je crois, de près de 300 pages, à ces 15 jours, parce que ces 15 jours ont été passionnants. Passionnants, ça a pu faire une expérience grandeur nature de ce qui se passe. Eh bien, des gens disaient... Bon, l'élection, non, c'est pas ce qu'on voulait. Nous, on aurait voulu un deuxième tour, Jacques Chirac contre Lionel Jospin, mais pas Chirac-Le Pen. Il vaut mieux mettre Le Pen au pouvoir, comme ça, il y aura une révolution en France, Le Pen va être obligé de quitter le pouvoir, il va être destitué, et on pourra refaire des vraies élections. C'est-à-dire que nos bons démocrates disaient franchement, bon, quand les résultats ne nous plaisent pas, on fait une révolution. Eh bien, ce que l'on pourrait voir comme étant contraire à la démocratie, aux droits de l'homme et patati et patata, c'est tout à fait conforme. Car vous ne pouvez pas arriver au pouvoir si vous avez des buts contraires aux buts des Nations Unies. Voilà ce qu'ils vous disent. Voilà pourquoi aujourd'hui, rien que légalement parlant, si un seul gouvernement nationaliste arrivait quelque part en Europe, je vous fiche mon billet, qui aurait un cordon sanitaire, un machin, un truc, et ce ne serait pas possible. En revanche, un effondrement total du système, ah oui, oui, là, tous les espoirs sont permis. Mais comme je dis toujours, il faut que ce jour-là, on soit présent. On soit présent, parce que là, le pouvoir sera dans le caniveau, et ce sera celui qui le ramassera. Donc, pour répondre à votre question, je dirais que tant que les supermarchés sont pleins, que les pompes à essence sont pleines, les portables fonctionnent, pas d'espoir. Et quand bien même il y aurait un pouvoir quelque part, ce serait très délicat. Mais un effondrement du système comme il y a eu en Allemagne, d'ailleurs qui passerait sûrement par une dictature, et c'est ce que disait Gandalf tout à l'heure avec raison, toute cette dictature, qu'elle soit sanitaire, idéologique, c'est parce que la dictature est partout, eh bien, pour moi, c'est un signe que le système s'effondre. Ça peut arriver, il peut y avoir un effondrement, et je dirais qu'avec ce qui se passe actuellement, c'est pas sûr, mais il peut y avoir, on est vraiment dans un scénario d'effondrement total n'est pas à exclure aujourd'hui. J'ai une question d'un auditeur. Son pseudonyme, c'est Nous Vaincrons. Question assez courte, mais qui a des vertus pédagogiques. Cher Vincent, quelle est selon vous la preuve la plus flagrante, la plus indiscutable parmi toutes celles que vous avez mentionnées, donc dans vos travaux, concernant l'imposture de l'Holocauste? Alors, déjà, il faut faire une différence si on veut faire une imposture de l'Holocauste ou des chambres à gaz. C'est extrêmement délicat. Alors, pour l'imposture et des chambres à gaz, moi j'ai toujours dit, c'est l'affaire des trous dans le toit. Vous allez à Auschwitz, vous allez voir le crématoire 2, la morgue 1, qui aurait servi de chambre à gaz avec 4 trous dans le toit. Ben, vous voyez par vous-même qu'il n'y a pas de trous dans le toit. Donc ça y est, les soviétiques n'ont même pas pris à l'époque la peine de faire des faux trous. Voilà, pour moi, si on veut un truc simple, hein, ça règle le problème. Concernant l'Holocauste, enfin le prétendu génocide, la preuve la plus flagrante qu'il n'y en a pas eu, bah, c'est les travaux de Sanning sur le fait qu'à la fin, à la fin de la guerre, beaucoup de Juifs étaient encore là. Ils étaient encore là, c'est tout. Alors naturellement, ça. Le problème de là, c'est que quand on me parle d'une preuve flagrante, c'est vouloir simplifier le problème. On peut pas. Vous savez, s'il y avait une preuve flagrante, bon ben, je ferais une vidéo de 5 minutes et puis ce serait terminé. Mais non. Donc, je dirais que si, la preuve flagrante, voilà, il y a la technique et les chambres à gaz, des chambres à gaz avec les trous, et le fait qu'il n'y a pas eu 6 millions de victimes, et qu'on le sait depuis les travaux de Sanning, depuis d'autres travaux, que les Juifs ont pu faire Israël, que ce n'est pas un peuple décimé qui fait Israël, qu'il y a des survivants partout, qu'on n'arrive pas à en retrouver. Quand on prend le nombre de survivants aujourd'hui et qu'on fait des règles de 3 pour voir combien il y en avait à la fin de la guerre, on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'Holocauste, c'est tout. Mais il est évident que si vous discutez avec quelqu'un, ça ne va pas se passer comme ça. Il ne va pas dire « Ah oui, vous avez raison ». Il va dire « Oui, mais… et puis si, et puis ça… C'est pour ça que la grande difficulté du révisionnisme, c'est qu'il faut bien connaître le dossier. C'est ça. C'est que quand on ne connaît pas le dossier, ben, on se retrouve rapidement… on se retrouve rapidement submergé par des questions, puis il y a un moment ou un autre où on ne va pas pouvoir répondre, et puis là vous dites « Ah ben vous voyez, là vous ne pouvez pas répondre ». Parce que c'est ça le problème. C'est ça le problème d'être dans le camp des outsiders. L'outsider, il doit pouvoir répondre à toutes les questions. Alors que celui qui est dans le camp de la pensée dominante, il a avec lui la force de l'autorité. L'autorité l'a dit, tous les historiens disent que. Alors toi, pourquoi tu dis pas ça? Et le problème, c'est que vous avez plein de questions à répondre. Donc le danger et le travers, c'est de croire que sur l'Holocauste, on va pouvoir développer 2-3 arguments qui vont être convaincants. Mais non, ça se passe pas comme ça. Et si vous voyez, si depuis 30 ans je travaille sur le sujet, si depuis 30 ans je fais des trucs, des machins pour affiner, pour aller toujours plus loin, pour dire « Ah, là, ils répondent ça, il faut répondre ça, il faut faire ci, il faut faire ça », ben, c'est qu'il y a une raison, hélas. Hein. Ce n'est pas par monomanie, c'est parce que je sais très bien, pour avoir testé dans ma vie, que c'est extrêmement délicat, il faut maîtriser beaucoup d'aspects de la question pour pouvoir commencer, non pas à convaincre, mais pour pouvoir commencer à être un peu crédible. Donc voilà, je ne peux pas, hélas, donner une réponse satisfaisante à cette question parce que je crois que c'est une question qui, hélas, n'est pas à poser parce que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il n'y a pas 2 ou 3 arguments qui emportent la décision. Ça, non, non, non, c'est plus compliqué que ça. D'accord. Quelle était ma réponse, hein? Je suis navré de ne pas répondre mieux. Mais... Il faut répondre ce que tu penses. Je peux me permettre. En fait, moi j'ai une sous-question parce que quand on voit l'évolution technologique, il y a une chose qu'on n'a jamais été foutu de faire dans les camps de concentration, c'est simplement d'envoyer sur place une équipe de médecins légistes, de faire des carottages dans les murs, et on a une réponse scientifique. Ils le font pour les pyramides. Ils s'amusent gentiment à autopsier des pharaons. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas foutu, une bonne fois pour toutes, d'envoyer des équipes dans les camps de concentration, de faire des carottages, de faire des analyses et de donner une réponse? Alors Vincent, pourquoi il n'y a tout simplement pas une expertise internationale, ou alors est-ce que ça a eu lieu, est-ce que c'est convaincant, qu'est-ce que tu réponds à ça? En 1994, il y a eu la fameuse contre-expertise de l'équipe polonaise du professeur Markiewicz et PHDN s'en contente encore. Donc, il y a eu une expertise qui a été faite. Les gens vous diront que ça a été fait, que ça a conclu, que ça a réfuté les négationnistes, entre guillemets. Bon, alors moi, j'ai plusieurs fois expliqué pourquoi c'était faux. Puisqu'ils ont volontairement pris une méthode qui ne dégradait pas le bleu de Prusse, donc qui ne pouvait pas détecter le bleu de Prusse. Donc forcément, ils ont trouvé des taux très faibles partout. Ils ont dit, regardez, comme dans les chambres des pouillasses, comme dans les chambres à gaz, il y a des taux très faibles, donc on a pu gazer dans les deux. C'est absolument pas vrai. Mais bon, voilà, donc ça, j'ai déjà répondu. Ils ont fait donc une expertise. Ils ont fait des fouilles à Sobibor, ils ont fait des fouilles à Belzec, ils ont fait des fouilles surtout à Treblinka avec Kohls, donc elle s'appelle Caroline Sturdy Kohls, qui a édité un livre qui s'appelle Holocaust Archaeologies, Approach and Future Directions. Donc elle a publié ça. Si vous dites qu'il n'y a pas d'expertise et qu'il n'y a pas de fouille, ils vous diront c'est pas vrai. Donc il faut se méfier de cet argument. Non. Alors après, c'est qu'est-ce que ça a donné? Alors ça, j'en parle aussi dans mes vidéos, puisque j'ai étudié ces comptes rendus. Ils vous ont dit si, on a fait tout ça. Oui. Je vais citer la Britannique dont tu parles, qui est, à mon sens, une manipulatrice. J'ai vu des reportages et elle s'est fait prendre la main dans le sac il y a de ça à peu près 5 ans. Elle faisait des fouilles, je ne sais plus dans quel camp, vous pouvez trouver ça sur YouTube, et ils avaient trouvé une tuile qui était frappée d'un genre d'étoile de David. J'appuyais pas sur le bouton. Treblinka, elle faisait à Treblinka, et ils ont trouvé deux carreaux avec une étoile de David derrière. Oui. Voilà, et ça avait fait la presse internationale. Hein. On a trouvé la preuve. C'était marrant parce qu'il disait on a trouvé la preuve de l'existence des chambres à gaz. C'était rigolo parce que on se disait ah bon, pourquoi il en fallait encore? Visiblement oui, c'était le ton des articles. On a trouvé la preuve décisive, etc. Et ils disent voilà, il y a une tuile frappée d'une étoile de David, et c'est parce que les Allemands, machiavéliques bien sûr, il y avait des rumeurs qui disaient qu'ils avaient monté de faux bains rituels à caractère religieux pour tromper les juifs qui auraient été amenés là en vue d'être gazés. C'est-à-dire qu'on les fait rentrer dans le bâtiment, on leur dit oui, rassurez-vous, c'est un bain rituel, c'est un truc à caractère religieux. Et puis en fait, c'était gazé à l'intérieur. Et puis ensuite, le truc s'est complètement dégonflé, puisque peu de temps après, quelqu'un a dit mais non, pas du tout, ça c'est des tuiles très, très, très, très communes. Et l'étoile de David en question, c'est simplement le logo de l'entreprise polonaise qui a toujours produit ces tuiles, etc. Et là, on n'en a plus jamais entendu parler. Ça s'est complètement évaporé, quoi. Mais cette farce grotesque montre ce que peut donner ce genre de fouille, etc. Mais elle n'a pas du tout été discréditée après avoir sorti ce genre d'absurdité. Et puis, il y avait un Polonais, là, qui avait fait des carottages. C'était le camp de... Pour rechercher les cendres, là. Parce qu'on disait, voilà, il y a bien des cendres quelque part, parce qu'il y a eu tous ces gazages, soi-disant, c'était un petit camp sauvage. Je ne sais plus si c'est Treblinka ou bien Sobibor. Je crois que c'était Sobibor qu'ils ont fait beaucoup de carottage. Voilà. Alors, n'importe qui peut s'amuser à regarder les conclusions hein, du rapport de cette personne. Et pourquoi ils n'en font pas plus état aujourd'hui? Parce que lui, il a dit, si, j'ai trouvé. Voilà. Il dit, voilà, il y a tant de fosses communes, il y a tant de volumes de cendres humaines là-dedans, alors mélangé avec de la cendre de bois, etc., mais il pouvait faire la partie. Et voilà, c'est la preuve par A plus B. Or, quand vous faisiez le calcul, vous vous retrouviez avec des millions, théoriques, des millions et des millions de personnes censément exécutées sur les lieux. C'est-à-dire que il y avait trop de cendres. Alors, vous pensez bien que s'ils avaient découvert tout d'un coup de l'équivalent de 2 millions et quelques, ou de 3 millions de gazés, ils auraient dit, oh, c'est trompé, il y en a eu 9 millions de gazés, on en a trouvé 3 millions quelque part dans une forêt de Pologne. Et non, ils ont dit, oui, c'est bon, on a trouvé des cendres, et ils ont laissé ça comme ça. Parce qu'en fait, si vous y intéressez, vous dites, il y a un problème. Là. Le type, je ne sais pas comment il a fait ses carottages, mais ce n'est pas possible de trouver autant de cendres en théorie. Donc, il y a quelque chose qui ne colle pas. Donc, c'est pour vous dire qu'ils font des recherches, ils disent, c'est bon, on a trouvé ce qu'on a à trouver, mais quand vous contentez de lire les découvertes qui sont les leurs, ça ne colle pas. Ça, c'était l'exemple que j'avais pour ce professeur polonais d'université polonaise dont j'ai oublié le nom, qui avait réalisé ça dans les années 90. Comment dirais-je, c'est grotesque, mais ça n'est pas forcément remis en cause hein, aujourd'hui. Donc pour répondre un petit peu vite fait à Diabolix, c'est vrai que, comme le dit Vincent, il y a bien des équipes de chercheurs, entre guillemets, qui sont expédiées, avec pour mission de trouver, ce qui pose quand même problème en termes de démarche. Ça, c'est des gens qui vont sur place pour trouver. Donc il y a déjà un biais, quoi. Et ça peut tourner au grotesque, comme le cas de cette Britannique qui prétend avoir trouvé un truc qui finalement n'existe pas, ou bien dans le cas de ce professeur polonais qui trouve trop par rapport à ce qu'il devrait trouver, et qui finalement après se tait et se fait discret. Quoi, voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais dire personnellement. Quelqu'un veut rajouter quelque chose là-dessus? Ouais, moi, j'ai une petite question. Vous m'entendez, c'est bon? Oui. Ok. Alors Vincent, d'après vous, l'impact des écrits théosophiques du début du XXe siècle et du renouveau de la spiritualité européenne, donc les écrits, je pense à Blavatsky, Guidon von Liszt, Lanz von Liebenfeld, avec la revue Ostara, ont-ils joué un rôle important dans le développement d'Hitler et du national-socialisme? Alors, moi, j'ai lu beaucoup les propos de table d'Hitler, les comptes rendus de ses réunions. Je peux vous dire qu'auprès d'Hitler, ça n'a joué aucun rôle. Aucun rôle. Hitler était avant tout un politique et toutes ces affaires de spiritualité, notamment avec Himmler, avec tout ça, ça n'apparaît pas chez lui. Alors, est-ce que dans sa jeunesse, parce que ça va peut-être vous surprendre, mais moi le problème c'est que je m'attaque par rapport à ce que disent les adversaires, donc j'ai pas tout été fouillé. Dans sa jeunesse, a-t-il été intéressé? Ça m'apparaît pas beaucoup. Mais surtout, quand il est dans la lutte pour le pouvoir et au pouvoir, tout ça, ouais, ça le fait sourire, quoi. Il s'en moque. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si Hitler avait été influencé par tout ça, ça apparaîtrait encore. C'était un homme qui croyait beaucoup en la providence, mais la notion de providence, il n'y a pas besoin d'avoir lu Blavatsky, tout ça, vous comprenez? Donc, moi, ce que je répondrais, c'est que il ne m'apparaît pas, au vu de tous les documents que j'ai retournés, que l'occultisme ait joué un quelconque rôle dans l'action d'Adolf Hitler. Voilà. Notamment, lorsqu'il a lancé des attaques, il n'allait pas consulter des astrologues. Non. Il n'y a aucun, enfin moi j'ai retrouvé aucun papier où Hitler dirait à un moment à quelqu'un, un confident, bon, ouais mais là l'astrologue, ouais, il me voit, non, à aucun moment, j'ai jamais entendu parler qu'il ait convoqué chez lui des gens de ce genre. Donc là c'est comme les chambres à gaz, quand on parle d'un Hitler féru d'occultisme, c'est non, je ne vois pas les preuves moi, il n'y a rien, dans sa vie il n'y a rien qui laisse apparaître ça. Et n'allez pas me faire croire que de 1923 à 1945, il aurait pu le cacher. Donc non, je ne crois pas. Ce que je par contre, il y a des gens qui ont pas été Goebbels à un moment en 40, je crois que c'est en 44, il dit tiens, il faudrait peut-être publier un thème astral d'Hitler en disant que ça marche bien, que il a un avenir. J'ai lu ça dans les notes de Goebbels par exemple. Donc on s'en cachait pas quand on pouvait le faire, mais Hitler jamais. Jamais. Et dans tous ces propos de table, alors c'est vrai que des propos de table ont été retranscrits par Bormann. Mais enfin, non, il n'y a rien qui apparaît. Rien. Donc ma réponse à votre question, c'est, à mon avis est humble là-dessus, mais c'est non. J'ai jamais vu des choses de ce genre. Voilà. Merci beaucoup. Ben de rien. Alors après, encore une fois, moi je dis toujours, hein, le national-socialisme dépasse l'hitlérisme. L'hitlérisme, c'est une incarnation du national-socialisme dans un pays donné, à une époque donnée. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'en tant que national-socialiste, on ne peut pas s'intéresser à des choses qui sont plus spirituelles. Et à mon avis, oui, c'est nécessaire de s'intéresser à des choses plus spirituelles. Mais pour la faire, pour Hitler, non, je ne crois pas. Ouais. Alors, j'ai deux questions d'auditeurs, mais qui se rejoignent. Alors, je lis les deux. Alors, premièrement, de Jojo, qui nous dit ceci. Alors, pourquoi ne mentionnez-vous jamais... Alors, c'est ce qu'il dit, hein. Tu infirmeras ou pas. Donc, pourquoi ne mentionnez-vous jamais l'absurdité des témoignages pourtant admis par la thèse officielle? Les exemples sont légion et tous plus gonflés de chutzpah les uns que les autres. Notamment, hein, les saucisses en viande de juif, hein, ça c'est vrai, les savons à bas-jour, wagon monté sur une pente qui se vide à l'impact, piscine électrifiée qui réduit les juifs en cendres, berger allemand qui tantôt viole les femmes, tantôt les mordent à mort si... Il joue une mauvaise note de Wagner, si elle joue une mauvaise note de Wagner au piano, et enfin celui qui survit à de nombreux camps, dont l'un en profitant de l'inattention des gardes pour partir de la file, pour quitter la file, menant aux douches, insecticides, enfin ouais, zyklombé, en marchant, en reculant, etc. Enfin bref, je suis sûr, j'en oublie des plus drôles. Bien qu'un tenant de la thèse officielle puisse simplement s'en dissocier, il n'en reste pas moins accablant pour la crédibilité du camp du bien, d'autant que beaucoup les ont pris au sérieux et brandis comme des preuves. Voilà, ça c'est la première question, mais il y a Forisson Sec, qui est un petit marrant du forum aussi, qui écrit ça, mais en substance, c'est un peu la même chose. Très cher Vincent, doit-on réduire le réel à ce qui est mesurable? L'absence de preuves permet juste d'émettre des doutes sur son existence, pas de la nier. Ne pensez-vous pas qu'un livre qui compilerait uniquement les mensonges de l'après-guerre jusqu'à aujourd'hui serait plus pertinent? Et là, les preuves sont légion et indiscutables, les intentions encore plus révélatrices. Beaucoup connaissent l'histoire des portes en bois, hein, Auschwitz, quoi. Combien connaissent la manière dont les listes d'exterminés ont été établies? Le nombre effaro d'escrocs avérés? Ou l'évolution précise datée de la doxa officielle? 12 millions, 10 millions, etc. etc. Voilà. Donc deux questions, en fait, qui consistent à dire, à te poser la question, pourquoi, si tu l'as peut-être fait, hein, mais eux posent la question, pourquoi ne pas lister les bobards les plus extravagants qui ont été répétés, parfois même pris pour argent comptant, ces 75 dernières années, finalement. Et ils sont nombreux. Alors, l'histoire des saucisses d'Auschwitz, c'est un témoignage que j'ai retrouvé en vidéo, qui provient d'un fonds d'archives officiel d'une association de mémoire de l'Holocauste californienne, dans laquelle une juive grecque dit que les juifs gazés étaient transformés en saucisses et qu'on leur en faisait consommer. Et elle dit même aussi que parfois le gaz sortait des pommeaux de douche et parfois c'était de l'eau, donc ils n'étaient jamais très sûrs. Et donc tous les bobards qui ont été recrutés. Alors qu'est-ce que tu penses de ces questions, Vincent? L'as-tu déjà fait? Est-ce que tu penses que c'est une approche pertinente? Qu'est-ce que tu voudrais répondre à nos deux auditeurs qui te posent cette question? Ma réponse là-dessus... Alors déjà, je l'ai déjà fait, puisque j'ai quand même plusieurs fois mentionné l'histoire des abat-jours en peau humaine, des sacs à main en peau humaine, l'histoire de la SS qui passe sur un vélo sur une juive jusqu'à ce qu'elle en meure, l'histoire des chambres à gaz où le sol s'ouvre, et, etc., etc., etc. Voilà. Le problème, il est le suivant. C'est que dans ma démonstration, un de mes arguments principaux, c'est que si beaucoup de gens ont pu parler de chambres à gaz, c'est qu'il existait des rumeurs. Donc, or, les rumeurs sont... Il y a deux choses dans les rumeurs. D'abord, il y a leur caractère tout de suite vers l'exagération auprès de certaines personnes. Il y aura fatalement des gens qui vont exagérer, qui vont même dire des choses de fou. Voilà. Et le problème d'une rumeur, c'est qu'elle n'est pas nécessairement fausse. Une rumeur, c'est ce qu'on appelle, c'est une information qui se diffuse en dehors des canaux officiels de l'information. Donc, une rumeur n'est pas nécessairement fausse. Ça veut juste dire que normalement, elle n'a pas été vérifiée par les canaux de l'information. Ça veut dire quoi, tout cela ? Ben, ça veut dire que même si les chambres à gaz avaient existé, il y aurait forcément des affabulateurs qui auraient raconté n'importe quoi. C'est pas, et l'histoire le démontre bien, c'est pas parce qu'il y a des gens qui racontent n'importe quoi que le fait en lui-même n'a pas existé. Non. Il y a toujours des gens qui vont exagérer, il y a toujours des gens qui vont vouloir se faire prendre pour des héros, etc., etc. Donc, la présence de 10, 20, 30 témoins délirants n'est absolument pas une preuve que les chambres à gaz n'auraient pas existé. Voilà. Que l'on mentionne, comme je l'ai fait de temps en temps, pour dire « regardez la crédulité des historiens », oui, mais ce n'est pas suffisant pour en conclure. Voilà. Là, à mon avis, la seule démarche qui est vraiment pertinente, c'est de démontrer que c'est impossible. Et la personne qui dit le vrai, l'aimable internaute qui m'a posé cette question très pertinente d'ailleurs, mais le réel serait réductible au mesurable. Non, pas du tout. On ne dit pas que parce qu'il n'y a pas de preuves, les chambres à gaz n'ont pas existé. On dit non, c'est parce qu'elles n'ont pas pu exister. Et c'était ce que disait le professeur Forisson avec raison. Les chambres à gaz allemandes n'ont pas existé parce que déjà, on ne retrouve pas les résidus qu'il devrait y avoir dans les murs. Or ça, justement, là, le fait qu'on ne puisse pas mesurer de résidus alors qu'on devrait en mesurer, c'est une preuve que l'événement n'a pas eu lieu. Donc oui, à des moments, le réel se résume au mesurable. Je suis désolé. Hein. Si je dis que dans la pièce où je suis à l'heure actuelle, hier soir, on a égorgé 20 personnes, mais que le luminol ne révèle aucune trace de sang, on aura raison de douter. Or là, le réel se résume au mesurable. Mais maintenant, ce n'est pas le fait qu'il n'y a pas de preuve, c'est le fait qu'il est impossible d'avoir fait les chambres à gaz comme on dit que les Allemands les ont faites. C'est arrivé avec 4 colonnes d'introduction, on met le gaz, ça sert, et après ça sert mal, etc. C'est ça. Donc, on ne dit pas « il n'y a pas de preuve », on dit non seulement « il n'y a pas de preuve », mais les récits qui sont les plus crédibles ne sont pas crédibles au final, les récits les moins extravagants. Donc, pour répondre à la question, je dirais que je ne me suis jamais focalisé sur le fait qu'il y a des faux témoins, mis à part pour dire « regardez, tel faux témoin grotesque, les historiens l'ont cru quand même », notamment Micha de Fonseca, rappelez-vous « Survivre avec les loups ». Bon. Donc, je ne me suis jamais focalisé sur les faux témoins, parce que même si on démontre qu'il y a eu 30 ou 40 faux témoins, et des témoins grotesques, ce n'est pas une preuve que ça n'aurait pas existé. C'est juste une preuve qu'il y a toujours des fous, il y a toujours des fabulateurs. Ok, bon, bah ça, c'est pas nouveau. Et donc pour répondre à la même question, le réel se résume soit au mesurable, soit à l'analysable. Si j'analyse que ce n'est pas possible, ça n'a pas pu avoir lieu. Voilà. J'espère avoir répondu aux deux questions, mais, et c'est pour ça d'ailleurs que c'est vrai, souvent des gens m'envoient « Regardez, il avoue qu'il a menti !» Oui, oui, oui, mais bon, il y a forcément des fabulateurs. Le problème, c'est, on n'écrit pas l'histoire avec les témoignages. On n'écrit pas l'histoire. Le témoignage ne peut venir que pour donner des détails quand on a prouvé matériellement que c'est vrai ou que ce n'est pas impossible. Donc si le témoignage ne peut pas prouver, par contraposé logique, le faux témoin, enfin, on ne peut pas prouver que ça n'a pas existé en invoquant des faux témoins. Non, il y a toujours des faux témoins dans toutes les affaires, ou des gens qui exagèrent, ou des gens qui, voilà. Donc, j'espère avoir répondu à ces deux questions. Oui, oui. Je n'insiste pas trop sur les faux témoins parce que je préfère largement l'argument civique. Ça n'est pas suffisant, ouais. Un autre membre du forum, Friedrich Nietzsche, il a deux questions. Premièrement, pensez-vous que Rudolf Hess a été assassiné? L'assassinat de Rudolf Hess. Alors, que vous pensez que c'est une thèse crédible ou est-ce que vous pensez que le dossier Je pense que c'est une thèse crédible. C'est une thèse crédible. Je n'irai pas dire oui, mais je pense que c'est une thèse crédible. Oui, exactement. Parce que d'ailleurs, en plus, les Anglais n'ont toujours pas, à ma connaissance, hein, je crois pas que je me trompe, n'ont toujours pas publié les archives relatives à Rudolf Hess. Ils ont publié quelques documents à Nuremberg, les documents M, je ne sais plus trop combien, de la série M, mais c'est tout. Donc, je pense qu'il y a vraiment Guy Souroche pour l'affaire de Rudolf Hess. Mais, encore une fois, je n'irai pas donner une réponse catégorique, je n'ai pas assez étudié le dossier. Mais je pense que c'est crédible, en tous les cas. Il y aurait de la recherche à faire de ce côté-là. Alors, précision pour nos auditeurs qui ne seraient peut-être pas informés, Rudolf Hess était un des grands leaders du mouvement national-socialiste qui avait rejoint l'Angleterre par avion pour éviter, pour mettre un terme au conflit entre l'Allemagne pendant une mission diplomatique secrète, non sollicitée d'ailleurs par Adolf Hitler, qui s'était terminée par sa détention. Il avait été ensuite acheminé à Nuremberg en, 45-46, quoi, pour les besoins du procès, après avoir été... subit des mauvais traitements en Angleterre, et il a été détenu pendant jusque dans les années 80, puisqu'il était condamné à perpétuité, dans une prison où il était gardé par l'armée britannique, et je crois qu'il, à la veille d'une libération assez imminente, on l'a retrouvé mort dans sa cellule. Donc c'était la question, c'est a-t-il été assassiné pour éviter qu'un des grands dirigeants national-socialistes sorte de prison? Et la réponse de Vincent a été celle qu'elle a été. Alors, deuxième question de Friedrich Nietzsche. Voyez-vous une certaine ressemblance ou analogie entre la doctrine d'Auschwitz et la théologie chrétienne du péché originel ainsi que du rituel de la confession? Peut-être qu'on peut élargir au-delà d'Auschwitz à la thématique de l'Holocauste avec ses symboles. Est-ce que vous trouvez que c'est une analyse, ou en tout cas une comparaison pertinente? Certainement, puisque j'ai même publié une petite brochure qui s'appelle « Non à la contre-religion de l'Holocauste », dans laquelle j'ai fait le parallèle entre la religion chrétienne, avec le péché originel, la culpabilité, les saints, les reliques, les pèlerinages, et... ce que j'appelle la contre-religion de l'Holocauste, avec la même chose. Le président israélien Katsav qui dit que c'est une tâche sur la conscience de l'humanité, après les voyages de la mémoire, les saints qui sont les justes, on les appelle les justes, les martyrs, les reliques, des bouts de four, des bouts d'uniforme, tout ça, le sacré qui entoure tout cela, etc. Oui, bien sûr, les grands messes, la contrition, la confession, l'inquisition aussi. Est-ce que vous avez la foi? Donc oui, bien sûr, nous sommes, je pense que l'Occident ayant été baigné, il n'y a aucun jugement dans mon propos là, hein, dans une théologie chrétienne, je pense qu'il y a, une forte ressemblance entre cette contre-religion de l'Holocauste qu'on impose à l'Occident et ce qui aurait pu être, voilà, l'essence de la religion, enfin, pas l'essence, pardon, ce qui aurait été la religion chrétienne, oui, je pense. Et c'est pour ça que j'ai plusieurs fois parlé du sujet il y a quelques années, oui. Et il y a encore une brochure qui traîne, oui, non à la contre-religion de l'Holocauste. Ouais. Qu'on peut peut-être retrouver sur votre boutique? Alors non, elle n'est pas rééditée pour l'instant parce que c'est pas encore, parce que ça fait partie des travaux que j'ai édités quand je travaillais tout seul. C'était ni fait ni à faire, enfin c'était pas toujours très beau. Et pour l'instant, non, c'est pas réédité. Non. Alors il est... Voilà, non, je suis désolé. Ah non, mais moi je voulais ajouter une petite chose, c'est-à-dire que il y a cette distinction que tout le monde connaît entre la potentas et l'autoritas. et le religieux fixe l'interdit et le politique utilise cette autorité pour légitimer son pouvoir et agir. Et aujourd'hui, il est évident que le mythe de l'Holocauste est de facto la religion d'État des démocraties occidentales. Et ce qui m'amuse toujours beaucoup, c'est de voir nos contemporains qui ont l'impression de vivre, je ne sais pas comment ils arrivent, peut-être à force d'une intense gymnastique mentale, ils y arrivent, mais ils ont l'impression de vivre peut-être dans la société la plus libre, en tant qu'être humain le plus émancipé de toute l'histoire humaine, et qu'ils se sont définitivement débarrassés de l'obscurantisme, du fait religieux comme étant un obstacle justement à l'accomplissement de l'individu, puisqu'on est quand même dans des sociétés extrêmement individualistes, tu l'as très bien souligné Vincent, mais enfin, on est quand même dans une société où, et c'est ce que tu as dit aussi, avez-vous la foi, mais avec l'Holocauste et les chambres à gaz, la question c'est pas de croire, c'est de savoir. C'est là que ça se joue. Or, ce que nous disent les médias, ce que nous dit le système à propos de sa religion, c'est qu'il n'est pas question de savoir. Hein ? Il n'est pas question de savoir, surtout pas. Il est question de croire. C'est pour ça qu'on nous dit toujours, est-ce que vous croyez aux chambres à gaz ? C'est toujours frappant. On leur dit pas, est-ce que vous êtes au courant ? Est-ce que vous êtes informé des chambres à gaz ? Est-ce que vous pensez que les informations sont correctes ? On ne dit jamais ça. On dit toujours, est-ce que vous croyez aux chambres à gaz ? Voyez ? Et comment ne pas voir que c'est effectivement une contrefaçon du christianisme ? Alors, on peut se poser la question, bien évidemment, de qui en est vraiment à l'origine. Je pense déjà que la question de qui en profite le plus est déjà une façon de poser la question de manière plus correcte. Mais je crois que, de toute façon, dans ce système-là, il y a des gens qui, nonobstant les faits historiques ou quoi, ont besoin de maintenir ce mythe. Pour de simples raisons politiques, c'est-à-dire que c'est ce qui légitime leur pouvoir, ça leur donne un pouvoir considérable. Je peux parler bien sûr des associations juives, mais même pas que. Je veux dire, n'importe quel grand responsable politique d'une plutocratie occidentale peut invoquer l'Holocauste pour, je veux dire, jeter l'anathème sur un concurrent. Et c'est tellement utile, c'est tellement puissant que, je veux dire, le pouvoir politique en a besoin. Donc cette dualité existe entre l'autorité et le politique. Et on retrouve ça ici. Alors c'est là qu'on voit, on est dans une inversion, parce que cette religion est une religion de mort. Il faut quand même s'intéresser à ça, il faut s'interroger quand même. Quel est l'épicentre de cette drôle de religion ? Eh bien, c'est une pseudo-chambre à gaz, c'est même pas vrai. Donc c'est ça le pire, c'est même pas un vrai tombeau, c'est même pas une vraie fosse commune. C'est symboliquement un monceau de cadavres, mais tout est faux. Donc, quelle curieuse religion d'État, quand même. Quelle curieuse religion d'État qui n'a aucune espèce de valeur positive. On ne peut rien bâtir sur la chambre à gaz. On ne peut rien bâtir. On peut voler, on peut escroquer, on peut terroriser, mais on ne peut rien bâtir de positif. Or, toutes les démocraties, aujourd'hui, reposent là-dessus. Et c'est là que des gens comme Vincent ont mis le doigt dans quelque chose qui nous dépasse tous individuellement, parce que là, on est, j'allais dire, sur la ligne de crête de la tectonique des plaques des grandes forces qui contrôlent le monde occidental, des grandes forces de l'histoire. On est sur cette ligne tectonique. Donc, si on s'approche de trop, on risque d'être broyé par ces mouvements de plaques tectoniques. Et on nous le dit, n'allez surtout pas là. Et il y a des gens courageux, comme Vincent, qui, eux, y vont quand même. Et on voit immédiatement les conséquences. C'est-à-dire que là, je veux dire, pour quelqu'un qui se pose des questions, je dis, regardez la façon dont les révisionnistes, les auteurs révisionnistes, sont traités. Vincent est en exil. Il n'a tué personne, il n'a menacé de mort personne, il écrit des livres, il se pose des questions, il s'interroge, il a un travail, il a une œuvre où il s'interroge sur un fait historique. Et ça lui vaut l'anathème, ça lui vaut l'exil. Alors moi, je dis, là, il y a quelque chose qui vaut réponse. J'ai presque envie de dire. Voilà. Moi, c'est ça que je voulais dire sur la question de la nature religieuse du mythe de l'Holocauste. Mais ça, c'est mon interprétation personnelle, bien évidemment. Quelqu'un là-dessus aussi, peut-être ? Pas spécialement. Mais si tu le permets, notre ami Vincent, en fait, attaque le sujet un petit peu comme les incorruptibles. Je vous rappelle quand même que Al Capone ne s'est jamais fait gauler pour ses actions mafieuses. Il est tombé pour fraude fiscale. Et Vincent, lui, commet le crime épouvantable d'arriver avec des chiffres. Ça les rend véritablement malades, parce que effectivement, c'est le côté imparable de la chose. À partir du moment où on met sur la table des chiffres et des faits réels, ça, ils se sentent plus pissés. Les mecs, je suis désolé, il faut bien comprendre un truc. La Shoah, ça rapporte combien à l'État d'Israël tous les ans ? Chaque année, les États-Unis d'Amérique, le peuple américain qui n'a rien à voir avec ça, paye combien à l'État d'Israël ? Donc en fait, quelque part, si on arrive en ayant la même politique que Vincent, avec des chiffres, avec des faits qui sont probants, qui sont chirurgicaux, il faut bien se rendre compte que pour les vendeurs de rêves et les vendeurs de vent, c'est un cauchemar permanent. Bien sûr. Alors, une autre question, c'est Zuyu, qui s'adresse à vous, Vincent, qui vous dit ceci. Avez-vous déjà rencontré Carlo Matogno, que vous citez souvent ? Il écrit notamment, il écrit énormément et son travail est admirable, mais il reste assez peu connu. Pourriez-vous nous en parler brièvement ? Oui, alors je ne l'ai jamais rencontré. Je lui avais proposé un jour s'il voudrait faire un débat avec des adversaires au cas où. Il a refusé. C'est quelqu'un qui est très secret, qui tient à sa tranquillité, qui ne veut pas apparaître en public. Qui passe son temps à travailler, qui pour moi c'est le révisionniste numéro un, c'est celui qui a le plus de documentation, qui sait le plus de choses, mais non, je ne l'ai jamais rencontré. Il faut savoir que il n'y a pas d'international révisionniste, hein, contrairement à ce que croient nos adversaires. Pourquoi ? Parce que les révisionnistes étant en général des esprits forts, ce sont des gens qui sont souvent des francs-tireurs. Voilà. Il n'y a pas de, non, il n'y a pas de synergie révisionniste. Ça, c'est un fantasme. Je veux dire, voilà, je veux dire, donc voilà. Donc non, je ne l'ai jamais rencontré. Je ne peux absolument pas vous en parler. Je n'ai qu'une photo de lui. Et, c'est tout. Je lui ai même jamais parlé. On s'est écrit quelques mails et peut-être 5 ou 6 mails dans notre vie. C'est tout. D'accord. Alors, René Fayard, qui est un contributeur régulier du forum aussi, qu'on apprécie beaucoup, vous pose cette question. Je tiens tout d'abord à vous féliciter pour votre parcours et ce travail que vous accomplissez depuis tant d'années. Merci. C'est toujours un plaisir pour moi de regarder vos vidéos ou d'accueillir vos livres dans ma bibliothèque. Bravo et merci pour tout. Votre contribution au révisionnisme est inestimable. Sa question, que pensez-vous de Carlos Whitlock Porter ? Vous l'évoquez assez rarement et je l'apprécie beaucoup. Alors, est-ce que vous auriez quelque chose à dire là-dessus ? Non, j'aime Carlos Whitlock Porter. On a été grands amis quand on habitait tous les deux en Belgique. On s'est un peu éloignés. J'aime beaucoup Carlos Whitlock Porter, d'abord pour son humour, pour ses connaissances extraordinaires. C'est vrai que je l'invoque pas souvent. En fait, j'ai tiré de son travail pas mal de choses que j'ai. Notamment, j'ai publié, par exemple, Injustice à Nuremberg, Délire à Nuremberg. Tout ça, c'est lui, en fait. Hein. Je n'ai fait que reprendre ses travaux et les mettre un peu en ordre. Mais sinon, j'ai un grand respect, une grande admiration et une grande sympathie pour cet homme qui, et il est vrai, vous avez raison de soulever ça, qui n'a pas été du tout reconnu à sa juste valeur. Ah, oui. Moi, je pense qu'il a fait un travail énorme, qui n'a pas été reconnu. Alors c'est vrai, il m'a dit aussi une chose, moi j'aime pas rédiger, j'aime trouver, mais j'aime pas rédiger. Et c'est vrai que ses livres sont un peu arides, Voilà, mais c'est vrai que je le cite, et j'avoue, mea culpa, je le cite pas assez souvent, c'est vrai, parce que vraiment, c'est quelqu'un de bien. Ouais. Voilà, voilà mon opinion sur Carlos Whitlock Porter. Alors, Nikolaus, bonjour Monsieur Renoir, bravo encore pour votre courage. Pourriez-vous nous faire un état des lieux de la progression du révisionnisme dans les autres pays que la France, par exemple aux États-Unis, au Royaume-Uni? Quelles sont les personnalités, notamment les plus en pointe dans les autres pays, d'après vous? Non, je suis navré, je peux pas, parce que il n'y a pas d'études fiables, il n'y a rien. Là, par exemple, dernièrement à Saint-Pétersbourg, là, il y a quelques jours, il y a un lecturer, un prof, enfin, c'est pas un professeur, c'était quelqu'un qui a fait un exposé, qui a fait un exposé révisionniste. Bon, il va être viré, hein, mais comme invité régulier de l'université. C'est-à-dire que un peu partout, je suis sûr que le révisionnisme progresse. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que maintenant, il y a une nouvelle application sur Facebook qui va vers un site anti-révisionniste, etc. Je suis persuadé que le révisionnisme progresse, mais savoir à quel point, c'est impossible à savoir. Alors après, les personnalités en pointe, ben, aux USA, vous avez Rudolph, et vous avez toute l'équipe de Codo, en Italie, donc vous avez Carlo Mattonio, vous avez Jurien Graf, vous avez. Alors après, il y a d'autres gens. En fait, vous n'avez pas grand monde finalement. Mais je ne pourrais pas vous dire quelle est la progression du révisionnisme. Je sais qu'on peut avoir des alliés très surprenants, des gens qui se cachent, qui ne disent rien, mais qui sont pro-révisionnistes. Moi, j'ai des anecdotes comme ça. Hein. Je me rappelle toujours quand j'ai été viré de mon école d'ingénieur suite à une commission de discipline, mais qui était illégale. Un de mes amis, qui est décédé maintenant, qui était révisionniste, Robert Gelsi, m'avait conseillé de porter plainte devant le tribunal administratif. Du temps où il travaillait, il était déjà assez âgé, mais il était dans les contentieux. Il m'a dit, Vincent, t'as qu'à porter plainte, tu fais un recours gracieux devant le tribunal administratif. À l'époque, c'était gratuit. Je suis allé devant le tribunal administratif, il m'avait dit, voilà, tu rédiges ça comme ça, dans les formes, et tu introduis une requête contre ton école au tribunal administratif. Je le fais, donc j'ai introduit une requête, bon. Et c'était l'après-midi, vers, je sais pas, 5h de l'après-midi, voyez-vous. Et vers 8h, coup de téléphone chez moi. J'étais dans mon petit appartement d'étudiant, un studio. Et on dit, allô, monsieur Renoir? Je fais, oui. Vous avez déposé une requête devant le tribunal administratif? Je fais, oui, oui. Et personne ne le savait, mis à part Robert Gelsi et moi. Bon, je peux vous dire que cette requête va être rejetée. Ah bon? Oui, parce que vous avez fait une erreur. Dans la phrase, dans telle phrase, vous avez fait une erreur dans le droit. Il ne faut pas dire ça comme ça. Il faut dire ça comme ça. Il m'a dit, vous avez un stylo? Oui, je vous dicte. Il m'a dicté la phrase. Bon, vous avez bien compris. Il faut. Et je dis, mais quoi? Ben, il dit, demain, vous reposez un recours, c'est bon. Et ça, il me dit, vous avez compris? Ok, ça raccroche. Je téléphone à Robert, Gelsi. Je lui dis, mais attends, Robert, je crois que tu as fait une erreur. Il me fait, ah ben oui, peut-être, je suis plus dans le droit maintenant, moi. Oui, oui, tu peux refaire ça demain, c'est pas un problème, tu peux en poser autant que tu veux de recours gracieux. J'ai été le lendemain, j'ai déposé un nouveau recours gracieux bien fait. Et le gars m'avait dit par téléphone, si vous défaites ça comme ça, vous verrez, ce sera accepté. Et en effet, le premier a été rejeté pour vice de forme, le deuxième a été accepté. Et j'étais réintégré dans mon école. Donc il y avait un gars au tribunal administratif de Caen, parce qu'il y avait qu'un gars qui avait pu avoir le texte, hein, donc il n'avait pas été publié nulle part. Il y avait un gars au tribunal administratif de Caen qui m'a aidé, qui m'a téléphoné anonymement et qui m'a dit voilà. Donc on avait un allié au tribunal administratif de Caen. Bon, maintenant ça remonte à 30 ans, donc je peux le dire. Hein. Le gars doit être à la retraite. Mais voilà, on avait à l'époque un allié. Et ça m'est arrivé aussi d'avoir un autre coup de téléphone anonyme comme ça, d'un mec qui m'a dit, je vous révèle que, bon, un truc, ça, par contre, je dis pas, et voilà. Il m'a dit, il m'a révélé un truc qui était très, très, très, très important pour moi, mais il était dans une administration haut placée, il le savait. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens, mais on les voit pas. Un peu comme ce Laurent Bachelier qui m'a fait un don, là, dont on a beaucoup parlé. Je le connaissais pas, moi, ce gars, c'était un bon. Il était riche, je ne savais pas, je ne le connaissais pas. Il m'a fait un don avant de se suicider, merci. Je ne connaissais pas. Voilà. Donc oui, le révisionnisme, j'en suis persuadé, au fond de mon cœur, il progresse. Comment, je ne peux pas le dire. Voilà. Oui, c'est pas quantifiable, mais il y a des signaux, et ne serait-ce que les réactions en fait des pouvoirs publics. Je veux dire, tout à fait. Déjà en soi, c'est déjà un bon indicateur hein, quand même. Hein. Je voulais vous poser la question, Vincent. Te poser la question, je me mets à vous. Je voulais te poser la question, Vincent. J'en aurai une autre après, mais c'est simplement pour faire écho à ce que. Parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont arrivées, mais qui sont en fait un peu similaires. Donc je la poserai en dernier. Mais tu as quand même un parcours de vie qui est pour le moins peu ordinaire, hein, c'est le cas de le dire. Et de par ton engagement révisionniste, tu as parfois interrogé des témoins ou des acteurs, notamment sur la question d'Oradour-sur-Glane. J'ai beaucoup aimé toute ton enquête là-dessus, qui, je trouve, elle est ça remet complètement en cause ce qu'on a toujours entendu à ce sujet-là. Je ne peux que renvoyer nos auditeurs vers ton site et la boutique de ton blog Sans Concession pour se procurer. Je crois que le DVD est de nouveau en. Enfin, je crois que tu as ressorti une. Oui, le DVD est en ligne et le livre reparaîtra bientôt, enfin, dans quelques mois. Alors, ça, c'est un incontournable. J'invite vraiment les gens à se le procurer. À se les procurer au plus vite. Et tu avais rencontré des vétérans de la division d'Asreich, par exemple, qui t'ont expliqué voilà moi ce que j'ai vu, voilà ce que j'ai fait. Est-ce qu'au cours de ton engagement, pour la vérité, tu as rencontré des personnages qui ont pu être acteurs de la Seconde Guerre mondiale c'est une question, je n'ai pas la réponse, je ne sais pas ce que tu vas me répondre, et qui t'ont laisser un souvenir qui t'ont marqué, qui pour une raison ou une autre t'ont pas laissé indifférent. Est-ce qu'il y a comme ça des gens qui ont vécu cette époque qui t'ont marqué? Oui. Alors il y en a trois notamment. Il y avait un monsieur qui avait été décorateur d'intérieur pendant la guerre à Berlin, mais c'était un Français. Et il m'a raconté ses souvenirs de Berlin pendant la guerre. Il m'a dit, vous savez, jusqu'en 1944, on n'aurait pas cru qu'il y avait la guerre. Alors, il y a eu des bombardements de plus en plus, mais sinon, dans la vie, c'était vraiment bien. Et moi, je travaillais comme décorateur d'intérieur, donc ça paraît complètement fou aujourd'hui, mais il y avait des gens qui s'occupaient de refaire leur intérieur beau, qui pensaient vraiment que ça allait bien se terminer. Il dit, c'était très, très, très, très étonnant. Et ça m'a beaucoup frappé, ce qu'il m'a raconté. J'ai rencontré un autre homme qui m'a raconté ses souvenirs, et il a rencontré Himmler en personne. Alors c'était un gars qui s'était engagé dans la SS, et puis alors il était en permission à Berlin, puis il m'a raconté toute une affaire. En fait, il c'était un peintre et il était en train de faire des croquis, et il s'est fait arrêter par la police, qui avait un peu une ambiance à l'époque d'inquiétude, et il s'est fait arrêter par la police, qui croyait peut-être que c'était un espion qui prenait des croquis. Et alors, de fil en aiguille, par un concours de circonstances extraordinaires, il s'est retrouvé face à Himmler. Et avec un interprète, que lui parlait pas très bien allemand et Himmler pas très bien français, ou pas du tout, je crois, je sais plus ce qu'il m'a dit. Il lui a dit, alors, mais vous pensez quoi de l'Allemagne, vous, les Français? Et puis il a dit, oh, vous savez, je pense que... Il a été à un moment très honnête. Il a dit, je pense que vous vous débrouillez mal dans les pays occupés. Et il m'a raconté que Himmler a éclaté de rire. Il lui a dit, mais vous êtes très, très, très, très franc. Alors, si vous voulez, pour vous remercier pour votre franchise, eh ben, vous pouvez visiter Berlin dans ma voiture personnelle avec mon chauffeur. Et donc, il a dit, je me suis assis dans j'ai visité Berlin dans la voiture personnelle d'Himmler. À une époque, donc il me racontait ça, c'était assez amusant. Et alors, un mec que j'ai rencontré, qui était vraiment intéressant, c'était un gars, alors voyez comme quoi, et ça c'est intéressant son histoire, parce que ça montre à quel point les destins se jouent à peu de choses. Pendant l'occupation, il habitait Honfleur. Forcément, j'étais prof à Honfleur, c'est là que je l'ai rencontré par l'intermédiaire d'un ami. Et il était jeune, il avait 17 ans, je crois, ou 16 ans. Et il voulait Bah, il voulait vivre l'aventure. C'était un jeune homme. Il a dit, bon, alors il a dit un jour à un de ses potes, un de ses copains, je vais m'engager pour Londres. Je vais partir pour Londres. Je vais prendre une barque et je vais aller jusqu'en Angleterre. Et son copain lui a dit, mais t'es fou. Il y a des gardes-côtes. Au mieux, tu vas te faire choper et au pire, tu vas te faire tuer. Alors finalement, ben, il l'a pas fait. Et puis il s'est dit, mais moi, je veux vivre l'aventure. Alors il a été à l'engagement dans la Waffen-SS. Donc oui, il voulait partir à Londres, mais finalement, comme il pouvait pas, il va dans la Waffen-SS. Comme quoi, il y a des gens, leurs destins sont complètement fous. Et on lui a dit, ben non, vous n'avez pas l'âge. Ah bon. Et comme il était vraiment, il voulait vraiment, c'était un vieux qui était au bureau d'engagement, il a dit, voilà, si tu reviens dans 2 semaines et que tu peux courir pieds nus n'importe où, je t'engage. Et il m'a dit, pendant 2 semaines, j'ai pas arrêté, je me suis mis pieds nus. Au départ, ça a été horrible. Et j'ai couru. Au départ, j'avais les pieds en sang, mais après, bon, je me suis habitué petit à petit. Ça n'a pas pris 2 semaines, il m'a dit, ça a pris un peu plus. Mais je suis revenu et je lui ai dit, voilà, je sais courir. Et le gars lui a dit, alors, il a dit, bah, montre-moi. Il m'a dit, c'était pas très dur. J'ai couru, il a vu que mes pieds avaient souffert, il m'a dit, ouais, toi, t'es un vrai, je t'engage. Et donc, bon, il a menti sur son âge, etc. Il a pu être engagé. Et le gars, de fil en aiguille, il s'est retrouvé dans des commandos de détrousseurs de cadavres. Parce qu'il disait, quand il y avait une bataille et qu'il y avait des morts ennemis, on faisait en sorte de faire les poches des ennemis pour voir s'il n'y avait pas des papiers, des ordres, des cartes, pour essayer de savoir. Hein, donc c'était, on essayait de trouver, pour essayer d'avoir des informations. Et donc, il disait, ben, le problème, c'est que souvent, quand on était détrousseur de cadavres, c'était pas forcément qu'on avait gagné la bataille. Donc, des fois, il fallait se retrouver derrière les lignes ennemies pour aller trouver les cadavres qu'on pouvait encore. Donc, il m'a dit, bien que j'étais engagé dans la SS, on n'avait pas de tatouage sous le bras, le tatouage avec notre groupe sanguin, pour ne pas pouvoir être repéré. Et il m'a dit, eh bien, dans ces détrousseurs de cadavres, vous savez qui avait en majorité les gens qui étaient là, qui étaient ces détrousseurs de cadavres, pourriez-vous deviner qui c'était en majorité? Je vous pose la question. Mais sous uniforme ou bien... Ah non, alors oui, ils avaient un uniforme, mais qui n'était pas complet, il m'a dit. Alors lui il était... Ce que tu nous décris là, c'est lui, il était détrousseur de cadavres, mais il y avait d'autres gens qui faisaient aussi cette mission, ou bien c'était voilà, uniquement son unité? Ah, ça, il ne m'a pas dit si c'était qu'une unité, mais il m'a dit qu'ils étaient plusieurs. Plusieurs. Bah, moi, j'ai une idée, mais ça me paraît très curieux. Mais... non, c'est pas des juifs. Hein. Enfin, ils ont une grande tradition hein, de ça. Hein. Mais, Non, c'était des tziganes. Ah, mais c'est Et il m'a dit pourquoi? Parce que les tziganes étaient très à l'aise là-dedans. Et surtout, on ne pouvait pas utiliser d'armes à feu quand on détroussait les cadavres. Si d'un coup, elle se fait repérer. Alors, il m'a raconté que les tziganes, ils avaient une technique. Ils nous fabriquaient, il dit, ils récupéraient du cuir. Et ils nous fabriquaient 2 ceintures qu'on passait sur la poitrine et dans le dos. Et dans le dos, ils prenaient avec des vieux bouts de métaux, ils faisaient 2 couteaux acérés, des pointes. Et ils nous apprenaient, quand on était en danger, on n'avait qu'à mettre la main dans le dos, le couteau dépassait au niveau des épaules et clac! Ils nous apprenaient à lancer le couteau pour tuer celui qui nous surprenait en silence. Et eux, ils étaient les rois dans ça. Il m'a dit, donc moi, j'ai appris avec eux. Ils m'ont appris à faire ça. Et donc, on partait en mission avec eux. Et on allait donc avec nos ceinturons comme ça et nos armes blanches. Et on allait détrousser les cadavres. Et il m'a dit, moi, j'étais pas là par idéologie. Je m'en moquais complètement. Alors, ce qui fait qu'en en 44, j'ai vu que ça sentait le roussi. Un soir, j'étais voir un tzigane, je lui ai dit, bon, écoute, je vais déserter parce que ça sent le roussi, je vais faire tout pour rentrer en France, mais je peux pas partir avec cet uniforme, il me faut des habits civils et j'en ai plus. Et il m'a dit, le tzigane m'a regardé, ok. Il m'a dit, et 2 jours après, il avait tout ce qu'il me fallait. Il m'a donné ça, je me suis habillé en habit civil et j'ai déserté, et j'ai pu rentrer en France. Et comme j'avais pas de tatouage sous le bras, j'ai monté un bateau et j'ai jamais eu de problème. Voilà, ce gars, il m'avait raconté ça, voyez-vous. Il m'avait raconté des trucs comme ça. Donc, j'ai rencontré des gens qui m'ont raconté des résistants près d'Oradour. oui. Et qui me disaient, on a fait les cons. C'était leur propre mot. Hein. Il m'a dit, regardez, on sciait un arbre, on le mettrait en travers de la route. Ça a arrêté les Allemands quoi, 5 minutes, et ça les énervait. On a fait que des conneries. Voilà, vous voyez, ils m'ont dit des choses comme ça. Ils m'ont révélé. À Oradour, j'ai rencontré deux témoins qui m'ont dit plus ou moins la vérité sur ce qui s'est passé. J'ai rencontré donc un qui est mort maintenant, d'ailleurs, qui s'appelait Monsieur Renaud. J'ai déjà raconté ça, mais j'avais parce que pour faire mon enquête sur Oradour, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'en fait, à Oradour, il y a quoi? Il y a 3-4 témoins. Ben maintenant, ils sont pratiquement tous morts, sauf un, mais il y avait 3-4 témoins officiels, et puis il y avait tous les autres. Alors, qu'est-ce que j'avais fait, moi, pour les retrouver, comme on n'en parlait jamais? J'avais regardé à l'époque, en 53, au procès, j'avais regardé tous les comptes rendus d'audience, parus dans la presse, et comme ça, il y avait les noms. Un tel, survivant, s'approche, raconte son histoire. Et comme on était encore à l'époque des annuaires, quand je suis arrivé à Oradour, j'ai pris l'annuaire d'Oradour et de la région et j'ai cherché les noms. Ça m'a pris du temps. Et j'ai retrouvé des gens. Et je leur téléphonais. Bonjour, je suis un étudiant, je fais une enquête. Et ces gens, la plupart, mais on les interrogeait jamais. Donc ils étaient contents. Ils me disaient, mais comment vous avez retrouvé? Ben, je dis, j'ai regardé les comptes rendus de la presse, puis j'ai retrouvé votre nom et vous êtes dans l'annuaire. Ah oui. Alors, mis à part un qui a refusé, ils m'ont accepté. Alors, il y en a, ils n'étaient pas là, ou ils se sont cachés tout de suite, ils n'ont pas... Bon. Mais à un moment, j'ai rencontré M. Renaud, l'ancien garagiste. Il était très content avec sa femme. Et il m'a dit, mon jeune ami, venez, je vais vous emmener dans les ruines. C'était un soir, l'été, donc il faisait jour tard, mais il n'y avait plus personne. Il dit, je vais vous montrer où j'étais. Et donc, il m'a amené. On a sauté au-dessus des barrières parce qu'on n'avait pas le droit d'y aller. Il me dit, moi, je suis un survivant, moi, je peux. Bon, il m'a accompagné. Il m'a dit, voilà, regardez. On était caché avec mon épouse derrière ce tas de pierres. Voyez, il est encore là. Bon, il avait un peu diminué, il m'a dit, mais bon. Et c'est là qu'il m'a dit, on était caché là et soudainement, on a entendu un bruit dans l'église et j'ai reçu l'onde de choc. L'onde de choc? Mais alors, il y a eu une explosion. C'est pas la thèse officielle. Et c'est là qu'il m'a dit, la thèse officielle. C'est le premier qui m'a révélé ça. Il m'a révélé ça. D'ailleurs, après, quand j'ai été poursuivi pour ma cassette vidéo, la police, parce que dans ma cassette vidéo, je leur racontais ça. La police est allée le voir et a dit, vous avez rencontré ce Vincent Renoir? Oh non, jamais, jamais, jamais, jamais. Ah, tu lui parles. Et j'ai rencontré un autre gars, Tarnot. Monsieur Tarnot, qui est mort aussi. Pareil, lui content. Et la première fois que je l'ai rencontré, j'ai posé la question. Et c'est là, il m'a dit, vous savez, tout le monde sait ce qui s'est passé à Oradour, mais personne ne vous le dira. Et je lui dis, vous ne pourriez pas me le dire. Moi, j'ai envie de mourir tranquille, vous savez. Et je lui dis, il m'a dit, vous savez, quand il y a eu le procès des Waffen-SS en 53, j'ai voulu tout balancer. Tout balancer. Et les gens d'Oradour m'ont dit, si tu parles, mon vieux, on te jettera dans la Garonne. Donc, il m'a dit, je me suis cantonné à un témoignage banal. Trop rien, quoi. Bon, j'étais content. Et quelques mois après, je lui ai retéléphoné. Je lui ai dit, Monsieur Tarnot, vous vous souvenez de moi? Vous m'avez dit que... Oui, est-ce que je peux venir vous voir? Bon, oui. Je suis venu, puis il y avait son fils qui était là. Et j'ai senti qu'il était super gêné, que son fils... Il m'a dit, j'ai mon fils comme témoin, parce que bon... Bon, et je voyais vu qu'il voulait pas me parler. Bon, je vais l'écouter, Monsieur Tarnot. Je vois bien, bon, vous voulez pas m'en dire plus, mais je vais vous poser une seule question. Vous me dites oui ou non, c'est tout. Et après, je m'en vais. Et je vous embête plus jamais. Et je révélerai pas votre nom. Hein. Je m'engage. Je l'ai pas révélé avant sa mort. Dans mon livre, c'est Monsieur T. Eh bien, je lui dis, l'église a-t-elle explosé? Il a réfléchi, 20 secondes, 30 secondes. Vous savez, c'est long quand on attend ça pendant 20, 30 secondes. Et au bout d'un moment, il m'a fait, ouais, elle a explosé, oui. Et je sentais bien qu'il révélait pour lui quelque chose de... J'ai dit, bon, merci monsieur, c'est tout ce que je vous demande. Et il m'a révélé un truc. Il m'a révélé un truc. Il m'a dit, vous savez, j'ai tout écrit, ce qui s'est passé. J'ai donné ce livre, cette petite écrit à ma petite fille, en lui demandant de le publier après ma mort. Bon. Et je lui ai dit, ouais, mais votre petite fille, on peut la joindre? Ah non, non, puis de toute façon, elle est gendarme à Paris. Bon, ok, bon, laisse tomber. Là. Bon, je me suis dit, laisse tomber. Et en effet, il est mort, elle n'a jamais rien publié. Mais par contre, il y a quelques mois, enfin, il y a même plus, plus d'un an, il y a un journal de, le journal de, donc du fameux Bory qui est paru. Alors j'en parlerai dans une vidéo. Hein. J'avais déjà parlé de Bory, mais bon, voilà. Mathieu Bory. Voilà. Donc ça, oui, c'est des petites anecdotes dans mes enquêtes. Et lors de mon premier tractage révisionniste à Caen, c'était en 90, j'ai reçu une réponse d'une dame qui m'a dit « Ça m'intéresse ce que vous dites. Mon mari a été prisonnier toute la guerre en Allemagne. Il n'a jamais cru aux chambres à gaz. » Mais après, bon, pas pu la joindre. Mm. Mais comme quoi. Voilà. Voilà des exemples de gens que j'ai rencontrés qui m'ont marqué. Puis j'ai rencontré Henri Rock qui m'a raconté des trucs sur l'occupation. Voilà, des choses comme ça. Mais j'ai surtout beaucoup lu. Beaucoup lu la presse époque et beaucoup lu après. Et c'est très intéressant. Voilà. Il y avait une question là, mais j'ai plus le nom de la personne. Elle ne m'en voudra pas, elle se reconnaîtra, qui l'avait posé. Elle faisait mention, alors quelqu'un que, évidemment, vous admirez, que tu admires, j'arrête pas de te vous voyez, ça me rattrape. Robert Forisson, qui nous a quittés il y a quelques années, qui évidemment est une figure fondamentale hein, du révisionnisme. Et apparemment, peu de temps avant sa mort, il avait dit que les magistrats, les juges, se feraient communiquer par ses soins un secret qui serait un secret significatif. Et la personne, le membre du forum se posait la question, est-ce que vous connaissez ce secret ? Est-ce que vous avez eu vent de ce secret, en tout cas de l'existence d'un tel secret ? Est-ce que vous savez si par hasard on n'en saura jamais plus ? Alors le secret, je ne le connais pas. Je connais celui qui a hérité des archives de Forisson et il nous a dit qu'il n'y avait rien du tout. Rien de là-dedans. Alors après, donc le secret, visiblement, est emporté dans la tombe. S'il y en a un, je ne sais pas. Oui, s'il y en a un, bien sûr. Je ne sais pas. Donc là-dessus, voilà. Si je le connaissais, sachant qu'il n'a pas été dit et qu'on pouvait le révéler, je le révélerais, mais non, rien du tout. Alors, plusieurs questions sont revenues comme ça. Et peut-être qu'on en terminera là-dessus. Et je vais en lire une parce qu'elle résume toutes les autres. Et encore une fois, je remercie tous les membres du forum qui ont posé des questions, il y en avait beaucoup. Vous ne pouvez pas toutes les lire, hein. Ce n'était pas possible dans le temps qui nous est imparti. Donc c'est Passepoil qui te pose la question suivante. Comment faites-vous pour tenir, moralement et physiquement, devant autant d'adversités ? Ah ben ça, pour moi, ben je crois beaucoup au destin et à la providence. Donc, si vous voulez, moi, l'adversité, ça m'excite. Je vais vous raconter une anecdote qui vous dira peut-être pourquoi je peux tenir. En 2008, j'ai été condamné en Belgique à un an de prison ferme avec arrestation immédiate. C'était un de mes amis qui avait été au tribunal. Moi, j'étais dehors la salle d'audience. Et à un moment, je l'ai vu sortir vite fait et il m'a dit « Vincent, barre-toi parce que t'as mandat d'arrêt immédiat. » D'ailleurs, il y avait un flic, je me suis demandé s'il s'est pas dit « Oula, c'est pas lui là qui serait condamné. » Mais il n'est pas intervenu. On est parti vite fait. Et le soir, j'ai dit à mon épouse « Je me barre parce que la police va venir. Hein. J'ai un mandat d'arrêt immédiat, donc je vais me cacher en France. » Et je suis parti le soir. Et sur l'autoroute Paris-Bruxelles, mais j'étais encore en Belgique, je m'arrête pour faire le plein, pour prendre un petit chocolat chaud. Et il y avait des flics qui étaient là arrêtés. Là, naturellement, quand vous avez un mandat d'arrêt, je me suis dit, tiens, je vais m'amuser, je vais aller tout près d'eux. Par simple, comme ça. Ça ne servait à rien, mais c'était débile mon truc. Mais ça m'excitait. Ça m'excitait de me dire, tiens, c'est trop drôle, j'ai un mandat d'arrêt. Il pourrait m'arrêter en permanence, je vais quand même prendre mon chocolat juste à la table d'à côté, comme ça, alors que j'aurais pu partir tout de suite, si vous voulez. Non, ça m'excitait. Alors, si vous voulez, ce que je crois franchement, c'est que on a une mission de vie et que la Providence vous donne les armes pour la faire. Moi, l'héroïsme, ce serait de me lever le matin pour aller au bureau. Oh la vache. Alors ça, ce serait de l'héroïsme pour moi. avoir une vie normale. Ce serait de l'héroïsme. Qu'est-ce que je m'embêterais ? C'est pas possible. Donc, si vous voulez, l'adversité, le danger, ah, on peut s'y brûler, hein. Et j'ai peut-être un jour m'y brûler complètement. Mais ça m'excite, ça tient. Alors ça, c'est la première chose. Ça, c'est l'aspect, je dirais, un peu négatif. Mais l'aspect positif, c'est que finalement, rétrospectivement, je m'aperçois que, comme je disais au début, tout ce que j'ai vécu dans ma vie, de douloureux, ça m'a permis de grandir. Ça m'a permis de m'améliorer, de bonifier. Et on me dirait aujourd'hui, tu veux revenir à l'âge de 20 ans ? Ah non, ou surtout pas. Surtout pas. Maintenant, j'ai 52, je commence à me faire vieux. Enfin, vieux, j'entends, mais je veux dire, j'ai plus mes 20 ans. Mais pour rien au monde, je reviendrai à 20 ans. Parce qu'aujourd'hui, j'ai acquis une sagesse, j'ai acquis une tranquillité d'esprit. C'est pour ça que j'ai pu perdre 40 kilos d'ailleurs, 45 kilos. J'ai acquis une tranquillité d'esprit. Et ça, tout ça, et ben, c'est tous les coups que j'ai reçus. Ça m'a appris. Donc, le truc, c'est de dire, voilà, moi, je tiens comme ça. Après, c'est qu'une vision personnelle, je force personne à la voir. On peut avoir des milliers de façons. Robert Forisson tenait pour tout à fait autre chose. Moi, je tiens en me disant que, de toute façon, j'ai des dizaines, centaines, des milliers d'existences. Chaque vie n'est qu'un battement de cils. Bon, bah, cette existence-là, elle est comme ça. C'est un peu une existence de sacrifice qui va peut-être se terminer, parce que s'ils me chopent, moi, avec toutes les vidéos que j'ai faites, ils peuvent me laisser 10-15 ans en prison. Je veux dire, il n'y a pas de problème. Hein. Je veux dire, donc, ça va peut-être très mal se terminer pour moi. Bah, et alors, oui, bah, c'est une vie parmi d'autres. Et puis, quand j'étais en prison en 2010-2011, j'ai appris beaucoup. Je me suis amusé beaucoup. Ça a été une période agréable de ma vie. Je veux dire, la prison, moi, je me suis marré. J'ai fait des tas de trucs, j'ai fait une bande dessinée, j'ai fait des tas de trucs en prison. Bon, bah, je me dis, bah, ce qui doit être sera. Donc, je suis jamais inquiet. Là, peut-être qu'à cause du Brexit, ils vont me foutre dehors. Moi, je suis pas inquiet. C'est la vie, c'est comme ça. Donc, je tiens parce que, finalement, ma vision de la vie, c'est, je suis là pour apprendre, et mes adversaires contribuent à ce que j'apprenne. En fait, quand on me fait du mal, c'est pour me faire apprendre. L'important, c'est de ne pas se focaliser sur celui qui a fait du mal. C'est de dire pourquoi ça m'a fait mal. Et qu'est-ce que je peux faire pour devenir plus fort et que ça me fasse plus mal, cette affaire-là. Et c'est ça qui est important. Donc, dans ces moments-là, encore une fois, c'est une vision personnelle, mais moi, je vois la vie comme un gigantesque scène où chacun joue son rôle. Et mes ennemis, ben, je les vois comme des gens qui, finalement, sont là pour mon apprentissage. Ouais, bon, ok. Ok, bon, bah, tranquille, je leur en veux pas, j'ai pas de haine, m'en moque, voilà, vous faites ça, il y a balance ton antisémite qui me poursuit, voilà. Donc, c'est ma façon de tenir, si vous voulez. Et quand je vois mes adversaires, je me dis, ouais, mais quand on sera mort et qu'on sera là-haut, tout se réconcilie dans la vérité, on dira, alors, tu te rappelles, ben ouais, on s'est battu pour ça, mais c'était pas important, c'était pour apprendre l'un de l'autre. Donc je vois ça, vous voyez, je m'imagine des scènes comme ça, et ben voilà, je suis carrément cool. Voilà, donc même si j'ai perdu ma famille, même si j'ai perdu plein de choses, j'en ai gagné d'autres. Et surtout, après, c'est au niveau personnel, je gagne, et aussi je donne mon travail aux autres. C'est pour ça que j'ai toujours dit, moi, il n'y a pas de copyright. Sur ce que je fais, tout le monde peut le prendre, le mettre à sa sauce... et je disais à mon ancienne compagne Marie, tu sais, moi, quand je meurs, tu me fais passer au four, rien à foutre, hein, pas de pierre tombale, rien du tout. Hein, ça, la dépouille de Vincent Renoir n'a aucun intérêt. Je veux pas de pierre tombale, je veux rien du tout, moi. Rien. J'ai donné ma voix, je veux dire, mon intelligence, enfin, ma capacité, parce que je suis pas intelligent surtout, mais à quelque chose. Donc quand on est comme ça, eh bien, ce qu'on souffre, c'est pas une souffrance, en fait. Et les bouddhistes le disent bien. Ils disent, c'est pas l'événement qui... Bon, il n'y a pas que qui le disent, mais c'est pas l'événement qui est important, c'est la façon dont vous réagissez face à l'événement. Voilà. Ça a été mon grand apprentissage de la vie. Voilà. Voyez-vous ? Donc, c'est pour ça que je tiens face à tant d'adversités. Mais chacun a son chemin de vie. Il y a des gens, leur incarnation, elle n'est pas faite pour ça. Ils ne pourraient pas tenir. Donc, c'est pour ça que je ne dirai à jamais personne, toi, t'es un lâche. Il n'y a pas de lâche dans la vie. Il y a des gens qui ne peuvent pas. Il y a des gens qui peuvent pas, qui sont, c'est pas leur chemin de vie, voilà. Et j'irai même plus loin. J'en suis arrivé à la conclusion, qui n'est pas partagée par tout le monde, je le sais bien, mais qu'il y a pas de méchanceté, il y a que des gens qui ont peur. Il y a que des gens qui ont peur. Et c'est la peur qui rend en général vindicatif. Donc, je les vois comme des gens qui ont peur. Ok, vous avez peur. Très bien. Bon, ben, je prie pour que vous soyez bien. Puis si vous n'êtes pas bien, ben, continuez à avoir peur et continuez à me haïr. C'est la vie, ça m'apprend, la patience. C'est le côté spirituel de mon combat, si vous voulez. Donc, je force personne à avoir cette vision-là, mais c'est pour répondre à la question de cet internaute. Hein. En fait, moi, je n'ai pas d'adversité. Je ne vis pas ça comme de l'adversité. Je vis ça comme des épreuves à apprendre, pour apprendre. Donc, je me dis jamais, je suis face à l'adversité. Je me dis, bon, c'est comme ça, c'est la vie. Ok, ils vont peut-être gagner, ils vont peut-être m'avoir un jour ou l'autre. Bon, ben, j'irai en prison, ils vont me coller plein de procès aux fesses. Je resterai en prison pour 10 ans. C'est la vie, je ferai autre chose. Voilà, c'est pas mon secret, c'est pas un secret, mais c'est ma façon d'être. Et c'est pour ça, d'ailleurs, c'est pareil, je me préoccupe pas, mes vidéos, je les donne gratuitement. Parce qu'encore une fois, c'est pas mon travail. Je ne suis qu'un porte-parole. Donc, je vous les donne gratuitement. Moi, je donne des cours de maths pour avoir de l'argent. Puis voilà, ça me suffit. Je vis modestement. Très modestement. La vie ne m'intéresse pas, en fait. De toute façon, j'ai été tellement riche étant jeune. Enfin, grâce à ma famille. Hein. Moi, j'ai été dans des restos, des hôtels. Vous ouvriez votre baie vitrée. Vous aviez votre piscine personnelle sur votre petite terrasse. Hein. Moi, j'ai vécu ça. Hein. J'ai vécu des restaurants où on mangeait dans des couverts en argent. Vous laissiez tomber votre couvert, on vous en donnait un propre. Hein. On le ramassait pour vous, on vous en donnait un propre. Hein. Des trucs incroyables. Ouais. Tu peux dire, avec mes parents, j'ai vraiment vécu la richesse. Mais ça m'a permis de dire, tiens, bon, la richesse, c'est pas le tout dans la vie. Dans la vie, il y a autre chose. Il y a l'idéal. Et ça, c'est beaucoup mieux. Et c'est pour ça que maintenant, la richesse, ouais, ben, je l'ai goûtée étant jeune. Maintenant, je la laisse aux autres. Et encore une fois, il y a des gens, ils doivent être riches. C'est leur expérience de vie. Donc, j'en veux pas du tout aux riches. Sinon, je donne des cours à plein de familles très riches à Londres. Mais je leur en veux pas. Ah oui, vous êtes riches. Toi, moi, c'est bon. Voilà, c'était ma réponse à la question. D'accord. Alors. Très bien, Vincent. Alors, avant de nous séparer, je fais un petit tour de table. Rapidement, est-ce que vous voudriez dire quelque chose à Vincent ? Moi, j'avais une sous-question sur ce qu'il vient de dire à l'instant. Vous venez d'être condamné à 6 mois de prison ferme par l'état profond. Avec tout ce que vous avez enduré, en imaginant que vous accéderiez au pouvoir, quel sort réserveriez-vous à ceux qui vous persécutent ? Car je vous trouve infiniment résilient et bienveillant, bien que vos tortionnaires ne le méritent pas. Je peux comprendre votre position. Si ça venait que de moi, ces gens, je leur ferais absolument rien. Rien. Moi, j'ai aucune envie de me venger. Par exemple, j'ai connu le nom de la personne à qui j'ai dû mon année de prison. Je sais qui a porté plainte, qui a obtenu la plainte, qui a contacté la LICRA. Je connais en plus, je sais que c'était un directeur d'une petite entreprise. Je connais tout. J'ai jamais eu l'intention d'une seule vengeance. Jamais, jamais, jamais. Et si les gens, si aujourd'hui, si demain j'arrivais au pouvoir, moi, après je dis pas d'autres, mais moi, il n'y aurait aucune épuration, rien du tout. Tout continuerait pareil et j'irais même voir des anciens, je leur dirais alors, on se serre la main maintenant. D'ailleurs, moi j'étais pote hein, en Belgique avec l'inspecteur qui s'occupait du révisionnisme, Cornelis, il s'appelait Cornelis. Moi j'étais très pote avec lui, il venait toujours saisir, etc. D'ailleurs, un matin, il est arrivé, il me fait « Ah, il faut que je fasse une perquisition. » Oh, ben, je lui dis « Attendez, monsieur l'inspecteur, moi, là, j'emmène mes enfants à l'école. Il est 8 heures, là. Alors, je lui dis « Bah, écoutez, montez dans mon bureau, faites votre perquise. Et puis, moi, j'emmène les enfants à l'école. Je n'ai pas le choix. » Il fait « Ben non, je peux pas. Je peux pas faire une perquise sans vous. » Alors, il a avisé un de ses inférieurs, enfin, un de ses sous-gradés. Il a dit « Bon, allez. » Emmène les enfants à l'école, là, de monsieur. Et donc, ils sont montés dans la voiture de police avec tous les appareils. Et le soir, mes enfants étaient surexcités. « Ouah, papa, on a vu la voiture de police, c'est tout !» Super contents, ils étaient. Donc, vous voyez, moi, je m'entendais bien. Et je n'ai aucune envie de vengeance contre personne. Aucune envie de vengeance. Rien du tout. Rien. Alors, on m'accusera peut-être d'être trop bon. Hein, et c'est peut-être vrai, ça. Et même un jour, il y a eu une deuxième perquise. ma femme allait partir à un rendez-vous de médecin et ma femme ne conduisait pas, et ben c'est pareil. Le flic, le comparse de l'inspecteur Cornelis, non seulement il a accompagné ma femme chez le médecin, avec elle avait trois enfants avec elle, il lui a dit « Madame, je reviens à quelle heure vous reprendre ?» Et ma femme a dit « Non, non, c'est bon, on va revenir en métro, c'est bon. » Le flic était prêt à venir la reprendre. Et c'est pour ça que comme je m'entendais bien avec ces gens-là, eh bien ces gens-là me faisaient jamais de gros ennuis. Jamais de gros ennuis. Jamais. Ils ont jamais été méchants. J'en ai rencontré qui étaient méchants, mais parce qu'ils me connaissaient pas. Mais les inspecteurs qui me connaissaient bien, jamais méchants, toujours sympathiques. Voilà. Et je n'ai, donc encore une fois, je le répète, aucune envie de vengeance contre personne. Si demain j'arrive au pouvoir, après, encore une fois, peut-être que quelqu'un qui serait au pouvoir me dirait « Non, Vincent, pour asseoir notre pouvoir, on a besoin de faire une épuration. » Ok, peut-être que... Mais moi, je ne suis pas un homme d'État. Moi, je ne suis pas un homme d'État. Moi, je suis un rêveur. Mais je dirais, comptez pas sur moi. Je vous donne aucun nom, je ne vous donne rien. Et non, pas du tout. Ce serait ma position. Je n'ai aucune haine. Qui d'autre ? Ouais, bah, effectivement, vous feriez poutcher au bout de 5 minutes, je pense. Heureusement que votre chemin de vie n'est pas d'être le nouvel Adolf Hitler. Ah oui, non, moi pas du tout, pas du tout. Je suis incapable de prendre une décision. Mis à part le révisionnisme et pour être prof, je suis capable de rien. Et je dis pas ça par fausse modestie. Hein. Je suis capable de rien. J'étais incapable de maintenir ma famille. Je suis incapable de prendre une décision. Je suis incapable de rien. Je veux dire, je m'organise pas. Donc c'est pour ça que s'il y avait une prise de pouvoir, moi tout ce que je réclamerais, comme j'ai dit, tout ce que je réclamerais, si on me disait voilà, allez. Pour votre jusqu'à votre retraite, qu'est-ce que vous voudrez ? Ben moi, je voudrais être prof de maths dans un lycée. Voilà, c'est tout ce que je réclamerais, moi. Parce que j'aime bien être prof. Donc, j'aimerais bien être prof de maths dans un lycée pour apprendre à des élèves les maths. J'aime bien, voilà, c'est tout. C'est tout ce que je demanderais, moi, pas plus. Diabolix. Oui, en fait, monsieur Renoir, je trouve qu'on est en train de vivre une époque, mais absolument paradoxale. Je m'explique. Dans les années 70, 80, 90, on pouvait s'exprimer au niveau du national-socialisme sans trop de problèmes. Moi, je me souviens d'avoir discuté avec des gens qui avaient les numéros des camps de concentration tatoués sur les bras, en leur expliquant que je ne croyais pas dans les chambres à gaz, et c'était une discussion, c'est-à-dire que ça ne partait ni dans un pugilat, ni dans... C'était pas la guerre. J'ai eu l'occasion de travailler dans des entreprises dont mes supérieurs hiérarchiques avaient fait la guerre. Ils s'étaient battus. On pouvait discuter avec eux de la guerre, on pouvait discuter avec eux du national-socialisme. Or, à l'heure actuelle, aujourd'hui, nos détracteurs, les gens qui nous haïssent, qui nous crachent à la gueule, qui sont prêts à nous traîner devant tous les tribunaux possibles ou imaginables, voire pire, sont des gens qui n'ont jamais connu la guerre, qui ne l'ont jamais faite, et qui, uniquement par un espèce d'idéal de « mon grand-père a, ma grand-mère a », effectivement, c'est la Troisième Guerre mondiale, c'est la haine. Vincent, une réaction par rapport à ça, par rapport au fait que plus on s'éloigne de la guerre, plus il est impossible d'en parler ? Ah oui, bien sûr. Ben, je pense que c'est un peu l'analyse que tu en faisais tout à l'heure, c'est que le système craquant, il a besoin de se fabriquer un diable, un démon. Or, le démon est tout trouvé. Je veux dire, il n'y a rien de mieux pour, quand on n'a plus rien à offrir, plus aucune réussite sociale, que d'essayer de colmater par l'invention d'un démon. Et ce démon a été tout trouvé. Donc, il est tout à fait normal. Et même ma mère, bon, ma mère est très contre nous. Hein, on va dire, ma mère, elle aime Jacques Lang, tout ça. Vous voyez, donc, bon. Eh bien, elle est très contre nous, mais elle m'a quand même dit, d'abord, je trouve scandaleux ce qu'on fait. Et elle m'a dit, moi je comprends pas, elle est née en 30, 40. Il dit, mais moi, quand j'étais jeune, on en parlait de tout ça. Il n'y avait pas de problème. On en parlait. Et c'est vrai qu'elle elle le dit aussi. Elle dit aussi, moi, je comprends pas. Qu'est-ce que ça, c'est quoi cette époque où maintenant... Alors, naturellement, elle dit, bah, tu ferais mieux de te taire. Bon, mais mis à part ça, elle est tout à fait d'accord. Je pense que ça vient... Voilà, ça vient d'un système qui est de plus en plus mal en point et qui, pour se cimenter, n'a plus que la réaction antifasciste et le danger fasciste. Voilà. Bon, bah voilà. Et puis, ça participe aussi à une restriction générale des libertés. Ceinture obligatoire, interdit de fumer ici, interdit de fumer là, on nous prend par la main comme des gosses. Il y a une infantilisation de la société qui fait que de plus en plus, on est obligé de nous dire, faut pas faire ci, faut pas faire ça là, faut pas marcher sur la pelouse, faut pas... Et donc, on est dans un stade infantilisant, et cette société infantilisante, naturellement, ben, elle émet... En parallèle de ce monstre antifasciste, elle émet de plus en plus d'interdits. Mais on le voit avec la crise sanitaire. L'Angleterre n'est pas du tout comme ça. L'Angleterre, il y a un confinement, mais si vous sortez, on vous dira rien. On vous dira rien, vous avez le droit de sortir. On estime que tous les gens sont raisonnables, donc ça va, voilà. Mais surtout la France, mais il n'y a pas que la France, je pense, mais il y a une infantilisation et en même temps... En parallèle, l'irruption, enfin le monstre antifasciste qui est toujours plus présent. Il nous faut une société, en fait, c'est la société, comme ça va de plus en plus mal, on veut faire de plus en plus un paradis sur Terre. Or, on dit que le paradis sera par un antiracisme généralisé. On sera tous frères. C'est un espèce de messianisme. C'est un messianisme qui ressort. Il faut tous être frères. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Donc, pas de racisme, pas de discrimination, toutes les idéologies d'ordre. Voilà. Et c'est ce qui se passe par rapport aux années 70. S'il y a une évolution qui est de plus en plus rapide. Je voudrais pas être jeune maintenant. Parce que qu'est-ce que ça va être dans 10 ans si ça n'a pas craqué? Bon, on va nous séparer. Je voulais quand même terminer sur une citation de Joseph Goebbels, 1er mai 1945. Il écrit à son beau-fils Harald une lettre assez courte d'adieu, et on peut lire notamment ce passage, je trouve qu'il conserve toute sa pertinence. Ne laisse pas le bruit que le monde est sur le point de faire te désorienter. Un jour, les mensonges tomberont sous leur propre poids et la vérité triomphera sur eux. L'heure viendra où nous nous tiendrons au-dessus de tous, propres et sans culpabilité, comme l'était notre foi et notre tâche. Es muss deshalb eine der Hauptaufgaben seiner politischen Führung sein, ihm das Auge nicht nur für die Tatsachen, sondern auch für seine Möglichkeiten und Chancen zu schärfen und es damit immun zu machen gegen moralische Anfälligkeiten und Ankränkelungen, die in einer so schlimmen Zeit wie der heutigen zwar erklärlich erscheinen könnten, trotzdem aber äußerst schädlich für die siegreiche Fortsetzung dieses geschichtlich größten Kampfes um Leben, Glück und Zukunft unseres Volkes wären. Je pense que c'est prophétique, à mon sens. La parole à notre invité exceptionnel, que je remercie de nous avoir rejoints pour cette émission. Un mot de conclusion, Vincent ? Tu peux peut-être annoncer quand même votre livre à venir ? Alors, oui, alors il y a deux choses. Donc, déjà, la boutique est réouverte pour ceux qui veulent, hein, sur le blog sans concession, blog-sc.com. Vous avez la boutique avec tout ce que j'ai écrit, tout est en stock. Notamment, vous avez Pourquoi Hitler était antisémite, qui est un peu notre best-seller du moment. Et puis, donc, je vais. Là, je termine une série qui s'appelle donc Holocaust, acquittement pour l'Allemagne, que je vais fondre avec ma série La Shoah Arnaque, et j'espère pour le 20 avril, peut-être comme par hasard, publier. Donc, ce sera le livre de référence, le livre révisionniste de référence dans le monde francophone. Ce sera un livre qui résumera tout. Encore une fois, c'est pas Vincent Renoir qui l'a fait. Vincent Renoir n'a été que le compilateur de tout le reste. Hein. Donc, j'espère qu'en avril, il y aura ce livre. Ce sera sûrement en deux tomes. Hein. Ça fera à peu près 500 pages. Ce qui résumera un peu toute la thèse révisionniste que j'essaierai d'exposer. Enfin, c'est déjà pratiquement fait, mais de façon le plus ludique possible. Voilà. Et en juin, si on peut, on ressortira le livre de Radour, sur Radour. Voilà. Donc, une année bien chargée. Donc, je remercie Démocratie Participative de m'avoir invité. Je remercie tous les participants et je remercie tous les gens qui ont posé des questions. Si on n'a pas pu y répondre, j'en suis navré. Peut-être que vous pouvez me les poser via mon blog, par exemple. Hein. Mais vous savez, je termine par ça quand même. Quand on veut faire du travail de qualité, moi je fournis beaucoup de vidéos que j'essaie d'être de qualité, on n'a pas tellement de temps, vous savez, pour soi c'est très dur, donc des fois je réponds pas, il faut jamais y voir une marque de mépris, il faut plutôt y voir la marque de quelqu'un, entre ses cours particuliers, son révisionnisme, et la maison qui doit, enfin la maison, le petit appartement que je dois entretenir, j'ai pas de temps pour moi, donc je suis vraiment navré si je réponds pas, n'y voyez aucune marque de mépris, hein. Seule l'impuissance d'un homme qui n'a pas le temps. Voilà, mais je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup Vincent, merci à tous pour cette émission, et je vous dis à la semaine prochaine. À plus. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Si. Ouais.